your hotel tonight, 'cause I can't get you off my mind. I can't get you off my mind. Do you got plans tonight, baby? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Vous écoutez Marion et Anso, c'est le Night Show. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'entends ce disque, à la fin, j'ai envie de parler comme un crooner. Mais oui. Bienvenue sur mon bateau. Pas pourquoi. Et pas pourquoi un crooner aura un bateau en plus. Il n'y a aucun rapport. Jusqu'à 22h, à bord de mon bateau. Toute l'équipe de Love in Fun va débarquer dans un instant sur Fun Radio. Mais pour le moment, vous pouvez vous lâcher et nous dire quelle star vous a déçu. Alors pourquoi? Parce que Lauryn Hill fait deux concerts à Paris, un hier soir et un ce soir. Elle a eu 2h20 de retard hier soir et ce soir, elle fait rebelote. Ouais, elle fait la même chose que j'ai une pote qui y est, mais elle attend toujours alors que le concert devait être commencé il y a 2h. Il y a 2h là? Ouais. Ouais. Ah ouais, ouais. Peut-être qu'elle va même pulvériser le record d'hier, on sait jamais. Ouais. En tout cas, il y a Alexandre qui est pas du tout content. Alexandre de Dreux, il a été déçu par Carole Bouquet. C'est qui Carole Bouquet? C'est une animatrice. Vous êtes fous, c'est pas une animatrice, c'est une actrice hyper connue, très classe. Ouais. Non, c'est une animatrice, Carole Bouquet, non? Non, Carole Bouquet, c'est l'ex-femme de Gérard Depardieu. Et c'est une femme qui a joué dans plein de films, qui est hyper classe. Elle a fait notamment les campagnes pour Chanel et tout. Je confonds avec Carole Rousseau. Mais oui, c'est ça, moi aussi. C'est la meuf qui faisait les animateurs, concours des animateurs. Non, alors là, d'accord, Carole Bouquet, je vois pas très bien à quoi elle ressemble. Et en gros, elle lui a refusé une photo alors qu'elle était toute seule, en détente, et elle a dit non. Mais en fait, elle est classe, ouais. Elle est très classe. Et c'est pour ça, tu sais, je pense que c'est le genre de femme qui, si elle est pas maquillée, elle a peut-être pas envie d'avoir son image. La barbe, ça va. Mais tu te rends compte, tu la crois, Stéphane, maquillage ou pas maquillage, il va pas la publier partout la photo, on s'en fout. Moi je te confirme que maquillage ou pas, moi on me prend en photo, je suis dégueulasse à chaque fois. Non. Et je me laisse totalement prendre en photo. C'est vrai que je trouve ça un peu fion-fion. Je te laisserai jamais dire ça, Anso, t'entends? Quand même, j'en ai deux trois à te montrer si de mon avis. Hein. C'est vrai qu'on a quelques dossiers. Ah quand même. Ouais. Faut dire ce qu'il y a. Alexia est avec nous à Montaigu 8-5. Salut Alexia. Hi. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Bonjour tout le monde. Alexia, je te le dis, je sens que je vais pas être contente avec toi parce que c'est quelqu'un que j'aime bien là, dont tu vas nous parler. Hein. Oui, Kinvé. Kinvé, qui est venu nous voir souvent et cool. Tout, qui est très cool. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il t'a déçu? Alors il m'a déçu, j'accompagnais mes cousines à leur concert. Ouais. Par un concert. Et du coup, déjà, ça a commencé qu'il a fait une remarque à une jeune fille qui était sur les épaules de sa maman. D'accord. En lui disant, c'est bon, je t'ai vu, tu peux descendre, t'es pas la seule. Donc déjà, choquée, les gens commencent un peu à huer, entre guillemets. Ah mince. C'était au Mans. Oh ouais. En plus, c'est là d'où il vient. Enfin, c'est là, en plus. C'est là où il a commencé. Enfin, tu me comprends dans le contexte, etc. Donc, déjà, on fait bon, moyen. Et puis, ça a fini qu'il est parti très, très vite. Il a signé, allez, 2-3 autographes. Alors que je disais aux filles, normalement, il va faire tout le monde. On n'est pas beaucoup. Vous inquiétez pas. Absolument pas, quoi. Grosse, grosse déception. Après, il est souvent dans la vanne, quand même, Kinvé. Hein. Je pense que c'était pas méchant, l'histoire des épaules. Hein. Ouais, mais là, franchement, vu... Enfin, c'est des gamines, hein. Oui, il est venu quelques fois dans l'émission, c'est vrai qu'il est phobique des épaules. Oui. Quand il voit quelqu'un sur les épaules de quelqu'un, il est pas bien. Et peut-être aussi, du coup, elle cachait la vue des gens derrière, peut-être qu'il a pas pensé à mal, tu vois. Après, je peux comprendre que sur le coup, elle était très vexée. C'est normal. Heureusement, il l'a fait monter sur scène après. Elle nous dit pas tout aussi, elle a fait sa popote. Mijaurée. Quand même, il s'est rattrapé de ouf alors. Oui, heureusement, mais bon, quand même déçu, quoi. Enfin, le coup des autographes pour les filles aussi, on n'était pas beaucoup, quoi. Quand tu te rends compte que tu as fait une erreur et que tu te rattrapes, c'est le plus important, ça arrive à tout le monde. Donc, il est pardonné, Kinvé. Oui. En tout cas, il y a un parti pris pour qu'il ne vienne dans le night show du coup. Oui, moi c'est un copain, moi j'aime beaucoup. Et je sais que c'est pas une méchante personne, mais après je peux comprendre le coup des photos et tout. C'est un peu relou. Ouais. Après, voilà, parfois ils sont pressés. D'ailleurs, toi dans la vraie vie, tu l'appelles Kev plutôt, non? Non, pas du tout. Ah non, tu l'appelles Kinvé. Bah Kevin, parce que c'est son prénom quoi. Ah ouais, bah je pensais que t'avais un petit surnom. Moi je l'appelle K. En tout cas, Alexia, s'il repasse dans le night show, on te fera faire une dédicace vraiment très personnelle. Ah oui. Bah pas pour moi, c'est plus pour mes cousines quoi. Ça leur ferait énormément plaisir. Et bah avec grand plaisir, on te préviendra à ce moment-là. Ça marche. Bah je vous remercie en tout cas. Bisous mon cher. Bisous. Au revoir. Et puis on va accueillir l'équipe de Love in Fun à 22h pile, bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Ah, bonsoir. Quel plaisir. Enfin. Bah, oui. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce cet entrain lui, là? Non mais parce que en fait, je suis content d'avoir enfin une transition là avec vous les filles, parce que on n'a pas pu les deux dernières transitions avec Youssoupha qui était votre invité. Il y a eu l'artiste hier. C'est vrai. Et on n'a pas eu le temps de parler de quelque chose qui s'est passé dimanche quand je suis arrivé à la radio. Qu'est-ce qui s'est passé? Marion m'a mis une main au cul. Elle m'a dit salut petit cul. Ah non, pas du tout. C'était une main involontaire. Mais attends, mais comment tu arranges l'histoire? Mais quelle audace. Attends, pas du tout. C'était pas du tout une main involontaire. C'est un truc que t'as fait hyper naturellement. Attends, tu as touché le cul. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Marion? Non, c'est vrai, mais t'es gonflé. La vache. Non mais attendez, excusez-moi. Je voulais prendre un gobelet au distributeur. J'ai touché ses fesses malencontreusement. Non. Mais pourquoi j'aurais touché son cul? Parce que il faut dire que Karel range souvent ses gobelets dans ses fesses. Là, t'as confondu, ni plus ni moins. Bah, excuse-moi aussi. Non, en vrai, j'ai pas fait exprès. Alors après, écoute, tu as, somme toute, un fessier très agréable. Ah, quand même. Je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Et une main très délicate. Et a priori, enfin, de ce que j'ai appris par Marion, une très très belle hauteur sous plafond. Voilà, bah n'hésitez pas si vous avez besoin de gobelets, Karel est là. La température se réchauffe. Et dans cette radio, on peut rien faire. Je vais vous dire, c'est un truc de ouf. Tout est balancé, amplifié. Étonne quoi. Franchement, vous avez vraiment des balances, des poucaves. Qu'est-ce qu'on se marre. Ouais. Bon, on vous laisse les bichons qui fait bien jusqu'à minuit. Et je réfléchis à des dossiers qui me reviendront pour demain. Vas-y, réfléchis. Allez, bonne émission. Au revoir. Merci beaucoup. Tous les soirs, plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. Salut tout le monde, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fun Radio, dans l'émission où vous pouvez tout dire. Vous pouvez d'ores et déjà venir vous lâcher là sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram. On est partout et connectés déjà là. Et puis bien sûr, au standard, vous décrochez votre téléphone, vous avez un truc à dire dans toute la France. 01 42 48 5000. C'est une émission qui est différente, Love in Fun. C'est une émission qui a lieu tous les soirs, du dimanche au jeudi. Avant c'était de 20h à 22h, désormais c'est de 22h à minuit. Pourquoi ? Parce que vous pouvez encore plus vous lâcher. Nous, ça n'a pas changé grand-chose au final. On s'est toujours lâché. Non, c'est vrai. Par contre, vous êtes entre 22h et minuit, peut-être dans une configuration un petit peu différente. Vous plus êtes, intime. Ouais, voilà, exactement, plus intime. Où vous pouvez nous parler de sexe, entre autres. Et puis pas que, bien sûr, vous savez que dans cette émission, on parle de tout. D'ailleurs, ce soir, on aura des nouvelles de Marie. Vous avez été très nombreux à nous demander qu'est-ce que devenait Marie. Marie qui nous avait appelé dans l'émission, qui était au bord du suicide. Elle voulait se suicider et juste avant de faire ce geste, elle nous a appelé et il s'est passé vraiment quelque chose. Et il fallait absolument qu'on vous donne des nouvelles. Ce soir, vous en aurez et rassurez-vous, elle va mieux. On est très content d'être avec vous. Moi, je m'appelle Karel. Doc est là, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir, Doc. Médecin, sexologue. Et puis, on a tiré tout à l'heure avec Alice et avec toute l'équipe les cadeaux de Noël. Oui. Eh oui. Eh ben oui. Est-ce que vous le savez? Alors, Alice, elle est toute contente. Oui. Parce qu'elle a triché. Non. Si. Ben, c'est pas vrai. Si. J'ai pas triché. Alors, imagine un petit chapeau. Ah, ça c'est la musique de Noël. Alors moi, si tu peux mettre un petit Maria Carré, Kassim, moi je suis au top. Hein. Oh, donc là, je viens de demander ma. Wow. Oh, bravo Kassim. Il a été hyper rapide. Depuis qu'il a 30 ans, celui-là. Oh là là. Il a changé. Et oui, et on a tiré les petits cadeaux, vous savez, les petits papiers en fait. Il y avait le prénom de chaque membre de l'équipe dans le chapeau. Et si on tire un papier, on doit offrir un cadeau à la personne qu'on a tiré. Voilà. Moi j'aurais bien voulu tirer Alice. Oh, dis donc. Non mais le papier. C'était déjà le Noël dernier. Ah, bien sûr. Non, c'est ça. Alors moi je suis tombé sur Kassim justement. Comme ça je sais que je vais pas me fouler. Ah bah oui. Tout le monde voulait tomber sur Doc, bien sûr, puisque c'est la personne qui gagne le plus d'argent ici. Bien sûr. Et alors qui est tombé sur toi, Doc? Méloche. Méloche, t'as sans déconner quoi. T'es contente, Méloche? Trop contente. Tu veux l'avoir ton écran LCD là? Ouais, hein, voilà, c'est ça. Ah non, c'est elle qui me fait un cadeau. Ah ouais, ah, c'est non, elle, moi je suis tombé sur Jérôme. Sur Jérôme. C'est le producteur sonore. C'est ça. Bah, putain, il va se régaler. Hein. Je sais qu'il veut une PS4, Doc. Ouais. Hein, n'hésite une pas. Une table de mixage. Et Alice, alors t'es tombée sur qui, Alice? Moi je suis tombée sur Clara. Clara, il y en a qui la connaissent pas. Mais Clara, alors c'est un peu l'amour de ma vie dans cette équipe. Je voue une passion, un culte pour Clara. C'est celle qui fait tous les visuels de cette émission, toutes les vidéos, voilà, les magnifiques vignettes que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube, c'est Clara. Elle est en adoration. Et qui avait fait les petits papiers, justement, oui, du tirage au sort. Elle a fait les petits papiers, mais elle est géniale, Clara. Et du coup, je suis contente de tomber sur Clara. Et Kassim, t'es tombé sur qui, toi? Je suis tombé sur Coco. Coco du standard. Ouais. Il est content, Coco. T'es content, Coco? Toujours content, moi. Bah, à ta place, je ne serais pas content. Hein, parce que, bon, il n'a pas de goût, Kassim. Le mec, il a des crédits partout en ce moment. franchement, on vous tiendra au courant. On fera la distribution des cadeaux, bien sûr. Et, hein. Et d'ailleurs, en parlant de cadeaux, on va encore vous offrir ce soir, en participant à l'examen, vos montres SoCharm. C'est une semaine spéciale qu'on fait avec nos amis de chez SoCharm. Alors, c'est des montres qui sont certifiées Swarovski. Hein. Oui. Donc, c'est plutôt cool. Ah ouais, elles sont cool. Si vous nous appelez là au standard, vous pouvez participer à l'examen. Il y aura des petites questions, bien sûr, sur l'émission. 01 42 48 5000. Vous inquiétez pas, hein, c'est rien de trop difficile. Hein. Même Kassim a déjà passé son examen. Ouais, mais je l'ai pas eu. Oui, bon, ça c'est normal. Tu ne gagnes jamais un seul diplôme. C'est vrai. Hein? Mais je t'en ai pas. Et j'ai pas envie de t'enfoncer, Kassim. Surtout qu'on va accueillir Paul tout de suite. Paul, qui a 19 ans et qui est de Dijon. Bienvenue dans Love in Fun, Paul. Salut Karine, salut Alice, salut le doc. Salut. Et on est content de t'avoir. Et est-ce que tu nous suis un petit peu sur Instagram, toi, Paul? Bien sûr. Ah ouais, c'est quoi la dernière photo qu'on a postée sur le compte de Love in Fun? Bah là, comme ça me revient pas super, mais Moi non plus, t'inquiète pas. Alice, elle est en train de regarder. C'est la photo de Kassim. Oui, la photo de Kassim qu'on a postée pour son anniversaire avec une magnifique moustache. Vous allez voir Kassim avec un air un peu muchachos, mais sans lunettes. Ouais, alors ouais. Le mec est vraiment extrêmement chum. C'est la pire photo que je pouvais trouver. Bah voilà, cadeau, bonne anniv. Ça fait plaisir. C'est sur l'Instagram de Love in Fun. Et vous pouvez oui. nous suivre aussi hein, sur nos Instagram perso. Moi, c'est Karel Fun Radio. Et Alice, c'est Alice-du-bas Fun Radio. Paul, tu nous appelles pourquoi? Alors moi je vous appelle parce que il y a pas longtemps j'ai fait une soirée avec plein de potes, avec des amis à moi, ouais. Et on était bien déchirés. Et le truc c'est que moi d'un coup pendant la soirée, bon, j'avais un ou deux Irlandais et je vois deux filles que je connais qui sont sur le canapé en train de se galocher. D'accord. Alors on t'entend pas top. On va quand même se le dire, hein, Paul. Est-ce que tu peux essayer de trouver un endroit où peut-être parler plus près du téléphone? Là, si je suis plus près. Essaye surtout d'aller dans l'endroit de ta maison où tu captes le mieux, quoi. On a tous cet endroit dans notre appartement, dans notre maison, où on capte un petit peu mieux. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, ça dépend des téléphones, mais parfois faut se mettre dans des positions à l'horizontale. est-ce que tu nous entends mieux, Paul? Est-ce que vas-y. Moi, je vous entends, mais après, est-ce que vous m'entendez? Ok, bon, on t'entend. Donc, tu te retrouves en soirée, c'est assez arrosé. Et là, il y a deux filles qui sont sur le canapé. Voilà, elles sont sur le canapé, elles sont en train de se galocher dans tous les sens et en fait j'étais en train de les regarder et elles m'ont appelé. Donc moi forcément j'y suis allé et elles ont commencé à me forcer, à me proposer un plan à trois. Bon, je me rappelle qu'on était bien, on avait bien bu et en fait sur le moment mon cerveau, je me suis dit putain, faut pas que je fasse ça et le truc c'est que je l'ai pas fait. D'accord, t'as pas assuré en fait. Et le truc, c'est que là, je suis en train de regretter. Je me dis, est-ce que j'aurais dû ou pas ou... D'accord, là, ne bouge pas de place, c'est mieux. Hein. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, pas assuré à un plan A3, comment tu te sens là? Parce que putain, ça doit être chaud de rater un truc comme ça, non? Je sais pas. Ouais, je me dis, est-ce que j'ai bien fait, quoi? De toute façon, tu l'as fait. Oui. Ça y est, c'est fait. Ouais. Donc, elle peut pas revenir dessus. A priori, ta tête, elle te disait, n'y va pas. Bon, t'as suivi ta tête. Non, sa tête, elle disait, tu vas pas bander. Bien sûr, il y a la pression. Ah bah, certainement qu'il y a ça derrière. Ah ouais, pour Paul. Le coup, je voulais absolument y aller, mais je me suis dit non, ça se fait pas. En plus, il y avait tous mes potes à la soirée. Je me suis dit bon, je vais peut-être avoir une image de. Mais voilà quoi, j'ai hésité et au final, j'y suis pas allé. Mais ça, une image de quoi? Je sais pas, de la un cours de jupon. Ah. Ouais, non, mais après, t'as l'image que t'as envie d'avoir, je veux dire, et puis, si tu commences à penser, par rapport à ce que les gens peuvent justement imaginer sur toi, tu t'avanceras jamais, Paul. C'est surtout que là, tu viens de te rater sur un truc qui t'arrivera plus jamais dans ta vie. Hein, non, parce que un plan à trois, moi, ça ne m'est jamais arrivé. C'est pas faute d'avoir essayé. Alice, un plan à trois, c'est, Ça m'est jamais arrivé, mais, ouais. Franchement, pourquoi pas? Après, ça dépend, je voudrais pas avec deux mecs, mais. J'ai des amis, j'ai des potes. Non, mais ça dépend. Non, je viens de dire, je veux pas avec deux mecs. Surtout pas vous, alors. Même tout seul, je vous prends pas. Alors à deux. Non, mais n'importe quoi. Mais Paul, pour le coup, est-ce que c'était un de tes fantasmes? Pas directement, mais c'est vrai qu'arrivé sur le moment, je me dis, voilà, il y a deux filles qui sont en train de se galoche, qui me chauffent un peu, et au final, je suis pas allé, quoi. Mais on s'en fout. On s'en fout. C'est pas parce que c'est le fantasme de plein de gens et que les trois quarts des mecs diraient, oh putain, il y a deux meufs rien que pour moi et tout, que c'est ton truc à toi, ça se trouve. Enfin, voilà. Si t'avais eu envie d'être excité à ce moment-là, franchement, la plupart des mecs, quand ils sont excités, ils pensent pas à, est-ce que je vais être un coureur de jupons? T'y serais allé cash, quoi. Il y a un moment. Donc c'est juste que là, t'étais pas chaud, c'était pas le bon moment pour toi. Ouais, non, il faut une sacrée dose de confiance quand même pour se dire qu'on peut assurer auprès de deux filles. Déjà, c'est compliqué avec une fille. Non, c'est vrai. Enfin, moi, je parle de moi, hein, mais. On sait voilà. Bien, on se doute. Hein. Non, mais deux. Non, mais après, voilà, je suis peut-être pas un mauvais coup non plus. C'est pas ce que je suis en train de dire. Enfin, je sais pas. Peut-être en plus, surtout avec plusieurs verres dans le nez, parce que t'as dit que t'en avais quand même quelques-uns. Ah, ça joue, ça joue. Déjà, pour arriver à bander avec plusieurs verres dans le nez, c'est pas facile, mais quand en plus, il y en a deux à satisfaire, bon, voilà. Après, faut surtout laisser parler le corps. Si le corps a envie, souvent, ça se passe bien. Mais là, de toute façon, t'étais dans ta tête qui te disait non, on n'y va pas, et ben voilà, tu y es pas allé. Ouais, c'est vrai. Est-ce que rien de regretter, hein, de toute façon, c'est fait. Oui, voilà, mais justement, est-ce que tu penses qu'il y aurait possibilité peut-être de rattraper le coup avec un numéro de téléphone où on pourrait appeler une des deux participantes du canapé? C'est quelque chose que tu peux envisager ou pas, ça? Ah, je sais pas, moi, plutôt, ouais, oui, mais après, je sais pas si c'est le bon. Bah, si jamais t'arrives à avoir un numéro de téléphone, je peux peut-être être ton ami. Hein, comme ça, ce sera un plan à quatre. Voilà, un petit plan à quatre. Je sais pas. Alors, mais franchement, c'est le moment de nous appeler si vous avez déjà fait des plans à trois. 01 42 48 5000. Venez, réagissez là sur Fun Radio. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui vont participer et réagir, on va vous offrir des sextoys Lelo parce qu'on est dans la générosité encore ce soir. Je vous le dis, sextoy Lelo en répondant à cette question. Est-ce que vous avez déjà fait des plans à trois? Est-ce que c'était une bonne expérience pour vous? Venez nous raconter. 01 42 48 5000. Là, vous nous appelez, on vous passe direct. Allez-y, on va revenir dans un instant avec Loud Luxury Body avec Paul qui a raté son plan à trois. Et ceux qui ont réussi ou raté, hein, n'hésitez pas à nous appeler. A tout de suite sur Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook. La page Le Bon Feu. Nouveau son. Nouveau son dans la playlist Fun Radio. Major Lazer. Lost Frequencies. Love you. Meilleures nouveautés démarrent sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Les défis Soch. Imaginez un chant de Noël. Je suis passé chez Soch. Une superbe promo se cache dans ses cadeaux. Hey, en chaussons, dans ce salon, célèbre en chanson. Jusqu'au 26 novembre, 9h, profitez du forfait 50 gigas à 9,99€ par mois pendant 12 mois, puis 24,99€ par mois sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Rapport Arcep 2018. Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99€ par mois. Détails sur soch.fr. Soch! Shh!

On va tout savoir. Il y en a qui ont fait des plans à trois, qui nous écoutent et qui vont venir tout nous raconter. On en parlait justement depuis quelques minutes sur Fun Radio. N'hésitez pas, en plus, pour tous ceux qui vont réagir, on vous régale. Petit sextoy Lélo. Oh, sympa, hein, c'est le top du sextoy. Hein. N'hésitez pas. 01 42 48 5000. Je vous annonce qu'avec Brian, dans un instant, on aura une technique pour choper en soirée. Hein, ça va aider tout le monde. Restez bien avec nous. Et là, maintenant, c'est une question à la con. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Mathieu a 23 ans. Eh oui. Mathieu nous appelle de Normandie. Eh oui. Est-ce que Mathieu est de Rouen? Oui. Et Mathieu a une question. Eh oui. Quelle est cette question, Mathieu? On fait un quiz ou quoi? Putain. Vas-y Mathieu, balance ta question. Oui, ma question c'était, est-ce que les nageuses synchronisées, si elles nagent entre elles, est-ce que si une coule, les autres suivent? Déjà, est-ce qu'on peut débriefer cette question, Mathieu, la façon de poser cette question? J'ai l'impression que t'as fait l'effort de toute une vie là, Mathieu. Grave, ça va. Ouais. Donc, si on prend des nageuses synchronisées, si on a une qui coule, est-ce que les autres suivent? Si elles se noient, elles se noient toutes. Ben normalement, elles synchronisent tout. Donc ça, même, elles synchronisent, mais chacune fait pour elle. Hein, donc, ah bon? Donc, s'il y en a une qui coule, les autres coulent pas. Oh, tu penses vraiment, Doc? Ouais, attends, ce que j'adore, c'est quand Doc répond sérieusement à une question comme ça. Ça c'est pas, super. Ça. C'est quoi? Merci, Doc. Merci. Non, mais la vraie question, c'est d'où te vient cette imagination, mon Mathieu? Elle est débordante. Hein. Elle vient de Monsieur Pavachaud, alors c'est pour ça. C'est le nom de famille de Doc. Eh ben écoute, t'as raison. Va voir le docteur Pavageau. T'as besoin d'en parler, je pense. Mathieu, merci pour cette question. On embrasse toutes les nageuses synchronisées qui nous écoutent ce soir. Elles sont nombreuses avec leur cache-nez. Non, leur pince-nez. Le pince-nez, bien sûr. On est d'accord qu'on est quand même dégueulasse. Quand on va à la piscine, hein, plus que jamais, avec notre bonnet sur la tête, avec notre pince-nez, avec nos lunettes. Parce que vous n'avez pas le droit au maillot. Un mec en moule bite, quand même, il n'a plus la même dégaine, quoi. Non, mais dis-moi tout, Mathieu. Mathieu, tu vas souvent à la piscine, toi, Mathieu? Oui, j'y vais souvent. D'accord. Et alors, tu y vas accompagné d'un pince-nez, des lunettes, d'un bonnet, d'un moule bite? Bah, ouais, je suis inspiré de Karel et les Fragiles, c'est pour ça. D'accord, ah oui, à la parodie. Ah bah, nous on est à poil, hein. Ah, je te le dis, hein, Mathieu. Mathieu, on va te laisser tranquille, d'accord? Oui, je crois que je vais me noyer dans l'alcool et c'est la bonne solution. T'es malade, Mathieu, ça va complètement. Attends, Mathieu, tu peux pas nous dire ça va ou pas, Mathieu, en direct? Oui, t'es dépressif. Oui, ça va. D'accord. Non. Non, mais en fait, Mathieu fait des vannes, mais elles tombent toutes à l'eau. Hein, c'est ça, en fait. Elles sont alarmantes, ces vannes. Non, mais ne rajoute rien, Mathieu. Reste comme tu es. Nous, on aime tout le monde. Et même toi, Mathieu. Gros bisous, mon Mathieu. Et on va accueillir Brian. Bisous. Brian, 19 ans de Paris. Parlez quand même avec Mathieu, je m'inquiète. Hein. Bonsoir, Brian. Salut, l'équipe. Salut. Ça va, Brian? Ça va, impeccable. D'accord. Tu nous entends en décalage ou quoi, là? Non, mais je crois qu'à chaque fois, il y a un petit décalage téléphone, radio, tu vois. Faut pas que tu nous écoutes à la radio, hein. Juste dans le téléphone. Non, mais avec le téléphone, ça fait un petit décalage. Bon, bref. D'accord, ok. Bon, alors, bref, excuse-moi de t'emmerder, Brian. Soi-disant, t'as une putain de technique pour choper en soirée, toi. Voilà, c'est ça. Alors, je vais vous expliquer. C'est tout simple. Ouais. Donc, moi, pour pêcher au défi, pour les gars qui galèrent, donc écoutez bien mes conseils. C'est tout simple. On va dans les bars, les boîtes gays, les garçons, et toujours dans les boîtes gays, dans les bars gays, il y a toujours des meufs hétéros qui vont là-bas pour être tranquilles, tu vois, parce que je veux dire carré. Non, pas du tout. Non, parce que je suis déjà allé dans un endroit comme ça et t'es pas tranquille. Et franchement, il y a pas de filles, hein, il y a que des mecs généralement. Ah bah t'as été au mauvais endroit. Moi, il y a toujours quelques filles hétéros qui sont là pour être tranquilles, pour pas voir les mecs lourdos. Ouais. Et après, tu les abordes tranquillement, tout ça, tu les fais rire. Et après, tu conclus. Est-ce que t'as vraiment pécho ne serait-ce qu'une fois comme ça, Brian? En soi, c'est pas con. Parce que moi, j'ai déjà été dans des soirées comme ça avec mes potes gays et tout. Et c'est vrai que, bah, t'es pas vraiment dans le côté calculateur du mec qui vient t'aborder parce que tu sais que t'es pas du tout là pour ça. T'es juste en ambiance festive, quoi. Donc ça peut marcher. Alors, je te pose la question, Alice. Est-ce que ça t'exciterait de savoir qu'un mec homo, pourrait devenir hétéro avec toi? Ah non, pas du tout. Bah, c'est ça qu'il est en train de dire, Brian. Mais je pense que le but, c'est que t'y vas comme si t'as été un mec sur place, t'es pas forcément homo, t'es avec des potes homo qui ont envie de passer une bonne soirée dans cet endroit, mais du coup c'est le bon moyen de se rapprocher des meufs. Mais est-ce que ça a marché ne serait-ce qu'une fois avec toi? Parce que vu comme tu galères à faire ta phrase, je me pose quand même la question. C'est vrai, Brian, c'est un peu le stress de la radio et tout, mais aussi ça marche vraiment, je te jure, Alice. D'accord. J'ai des amis filles qui m'ont raconté la même chose effectivement. Ah ouais. Elles disaient qu'elles sortaient effectivement dans des boîtes, dans des soirées gays. Peut-être pas dans des boîtes exclusivement gays, mais plus dans des soirées. Mais où c'est les meilleures soirées en même temps. C'est là où on s'éclate le plus. Et où les mecs hétéros qui y sont plus cool, leur courent moins après, sont moins bourrés, etc. Se comportent mieux et plus respectueux et du coup effectivement elles rencontraient plus facilement des hommes. Bon alors Brian. Donc il faut avoir un bar gay, il y en a un peu partout en France. Écoute Brian, j'invite tous ceux qui nous écoutent. Karen, j'ai pas fini. Alors là on arrive dans un bar gay, d'accord? Oh les clichés. Oh non mais sans déconner. C'est Kassim, c'est-à-dire que tous les gays écoutent YMCA. Sans déconner. Venez insulter Kassim. 01 42 48 5000. Tu sais quoi Brian, on va tester ta technique et s'il y en a qui ce week-end peuvent tester. En plus, ce qui est pratique, c'est que tu peux misto les gars homo, du coup tu fais genre t'es homo, tu misto, tu bois des coups, puis après tu vas voir les filles. Putain d'arnaqueur. Il commence à devenir fort là. C'est quoi là? C'est Madonna? C'est pas mal. Allez, mets un petit Kylie Minogue après. Comme ça, on sera au top. Brian, merci pour cette technique. Allez, y'a pas de problème. Je suis là pour aider tous les garçons en galère. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as combien de copines toi, dans ta vie, toi, Brian? 6. Ah ouais, 6. C'est pas de ouf. Si, ça fait un an que je peux aller en boîte tout seul. Eh ben, je t'embrasse fort, Brian. Tu reviens quand tu veux, d'accord? Allez, bisous. Allez, salut. Ciao. Et dites-nous si vous avez testé la technique de Brian. Je suis pas sûr que ce soit une bonne technique. On devrait la tester. On devrait la tester. Franchement, les 48 heures Love in Fun, on va à Montpellier. On le sait déjà, puisqu'on a fait le tirage au sort. D'ailleurs, c'est demain qu'on fera le tirage au sort pour choisir la personne chez qui on ira passer 48 heures. Je rappelle qu'on ne va pas chez vous. Ne vous alertez pas. Ne préparez pas le lit à baldaquin pour Kassim. Non, on sera là justement à vous payer la chambre d'hôtel, des activités, enfin voilà. Et on passera 48 heures avec vous. Je rappelle que si vous voulez participer, vous envoyez un petit message privé sur Facebook. N'hésitez pas. Dans un instant, les réactions sur les plans A3, on va en parler avec Manéo, avec Jordan, avec Jesse, avec Pierrick. Salut les partouzeurs. Bonsoir. Il y a personne qui parle. Bonsoir, ils sont tous à l'antenne. Salut tout le monde. Bonsoir les professionnels du plan A3. Vous allez nous raconter si ça a été une bonne ou une mauvaise expérience. On va tous savoir. C'est ici qu'on se dit tous les soirs entre 22h et minuit dans Love in Fun. Et là maintenant, on va se mettre à fond Maître Gims. Voici le pire, l'artiste Fun Radio. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je suis posé sur mon divan, je regarde la télévision. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans. Assombrir ma vision, pourtant le soleil est présent. Les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. obligé de plisser les yeux. Rien à l'horizon, je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge je descends. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. C'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter. Et quand les enfants je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Maître Gims, le pire sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. De 22h à minuit. Alerte, alerte, alerte au Facebook Live. Oui, c'est toute une machinerie qui se met en place puisque nous démarrons en ce moment un Facebook Live sur le Facebook de Fun Radio. N'hésitez pas à vous connecter puisque vous allez voir nos gueules. Et en plus, on va parler d'un sujet passionnant. C'est vrai, ça fait partie d'un de mes fantasmes. Hein. C'est-à-dire, le fantasme, c'est quelque chose voilà, qui nous fait fantasmer, qui nous fait, qui nous excite, mais qu'on ne réaliserait peut-être pas forcément. Hein. Ça fait partie des fantasmes. Moi, je sais pas, j'ai toujours eu le fantasme de faire un plan à trois, mais je ne l'ai jamais réalisé. En même temps, je n'ai jamais eu la proposition. Hein, ça fait partie des choses voilà, qui ne me sont pas arrivées, toi non plus, Alice. Non, ça m'est déjà arrivé qu'on me le propose, mais avec un deuxième mec. Et ça, c'était hors de question. Quoi. D'accord, donc il faudra deux filles. Non, donc, pas deux filles. Une fille. C'est un mec et une fille à la limite. Mmh. Et encore, franchement, je dis ça, mais je l'imagine en me disant c'est possible, mais il faudrait vraiment que. Tu vois, ça se trouve, on me présente la personne et ça va pas le faire, quoi. Ouais. C'est difficile à imaginer, mais pourquoi pas. Bon, posez vos candidatures, les amis. En tout cas, on sait jamais. Alice est ouverte à toute proposition. Je vais tout étudier, en tout cas, au feeling, avec sérieux. Hein, ça peut être sur le moment. Oui, bien sûr. Alors que Doc, je te pose même pas la question, puisque tu es de partout en partout chaque week-end. Bah oui, bien sûr. Bah oui, t'étais à Venise encore ce week-end. Et alors? Bah au partout bar. Partout masqué. On peut faire une partout masquée. Voilà. Le carnaval. Ouais. Bien sûr. On va accueillir beaucoup de réactions. Je rappelle que tous ceux qui réagissent là sur le 01 42 48 5000, vous pouvez gagner des sextoys Lelo et n'hésitez pas également à réagir hein, justement au Facebook Live pour qu'on voit vos commentaires. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà fait un plan à 3, comment ça s'est passé. Bonsoir Manéo. Bonsoir Karel, toute l'équipe, ça va? Bonsoir. Ah, tu sens l'homme déjà qui est content d'être là, qui a une bonne expérience de plan à 3. Manéo, t'as 24 ans, t'es à Paris. C'est ça. Et t'as déjà pratiqué un plan à 3. C'est ça. Vas-y, raconte-nous. Alors, moi, ça faisait 3 ans que j'étais avec ma copine, donc elle me parlait de mes fantasmes. Je lui ai déclaré que j'aimerais bien faire un plan à 3, mais du coup avec une autre nana et pas avec un mec. Ouais. Elle a accepté, elle a appelé une de ses copines à elle. Sauf que bah quand c'est ta copine, ça fait 3 ans que t'es avec et qu'il y a une autre nana, bah tu t'occupes plus de l'autre nana. Non. Ah bon et bah je me suis fait larguer la semaine d'après. Oh bravo. Ah mais oui. C'est justement l'inverse quand c'est ta copine. Voilà. Non, tu t'occupes plus bah de non, ta copine. Je la connais, moi il y a une autre femme qui est là, moi je m'occupe de l'autre femme. Et t'es con, putain. Nouveauté, l'attrait de la nouveauté. Oh là là, bah oui, on est de face. C'est pour ça il vaut mieux faire avec deux femmes qu'on ne connaît pas. Ouais, non mais c'est surtout c'est tout de suite plus compliqué dans un couple qui prend un troisième. Hein. Ça nécessite souvent de beaucoup parler, beaucoup communiquer avant pour savoir qu'est-ce qu'on fait, les règles, machin. Hein, ça en fait pas, etc. Sinon, on en avait beaucoup parlé. Hein. Ah oui, quand même. Ah ouais. T'as quand même merdé, quoi. Alors, raconte-nous. Raconte-nous un petit peu, parce que là, t'es allé très très vite sur le point culminant, hein, qui est quand même ce fameux plan à trois, c'est-à-dire, à un moment donné, il y a ta nana, et puis il y a une autre fille. Toi, comment est-ce que t'as géré le truc? C'est-à-dire, effectivement, a priori, t'as donné plus de plaisir à l'autre plutôt qu'à ta copine, mais comment ça s'est passé? Comment est-ce que t'as assuré sur un plan à trois? Qu'est-ce que tu te disais? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois pénétrer une fille? Est-ce qu'elles vont s'embrasser? Est-ce qu'au contraire, enfin, je sais pas, c'est pas évident pour un mec deux filles, non? Bah justement, il faut surtout pas se mettre la pression. Il faut le faire comme si c'était qu'avec une seule personne. Elle, bien sûr, elle se touche en même temps qu'on est sur une. Elle se touche entre elles se font plaisir aussi entre elles. C'est ça qui est excitant pour moi. Enfin, les voir se toucher entre elles pendant que moi je m'occupe d'une et ensuite de l'autre. Ouais. Sauf que bah moi je me suis plus occupé de l'une que de l'autre. Et comment elle a réagi alors après? Elle t'a tout de suite fait la réflexion ou pendant déjà tu sentais qu'elle faisait la gueule? Comment c'est passé? Alors pendant, elle a rien osé dire. Bah, déjà, il y avait sa copine. Enfin, c'était déjà nouveau. C'était la première fois pour nous deux. Ouais. Il y avait sa copine. Donc sur le coup, elle a rien osé dire. Et c'est une fois que enfin, le lendemain, quand sa copine est repartie, j'ai bien vu qu'elle faisait la gueule. Elle ne me disait rien sur le coup. Et c'est là où elle m'a dit, tu t'es pas occupé de moi. Enfin, elle me le reprochait, quoi. C'est et facile. J'étais obligé d'assumer parce que c'était la réalité. Ouais, c'est facile de mal le prendre hein, dans ce genre de cas. Oh là bien là, évidemment, c'est un truc terrible. Très très sensible. Mais c'est toi qui étais à l'initiative de l'idée, c'est ça? Non, c'est elle qui m'a demandé. C'est elle en plus. J'ai dit que c'était mon fantasme. Ah ouais, c'est ça. D'accord. Ah ouais, non mais c'est terrible. En plus, franchement, t'as perdu ta copine à cause du plan A3, quoi. Et au bout de trois ans de relation, quoi, en plus. Ouais, non mais voilà, non mais s'il y a une des deux personnes du couple qui est quand même assez jalouse, ah ouais, c'est faut mort. Pas faire ça, sérieux. Ou même hypersensible et fragile, même peut-être sans être jalouse, mais si elle est très très sensible sur le sujet, etc., qu'elle prend tout mal, c'est sûr que c'est pas trop le truc à faire, quoi. Ah ouais, non. Manéo, du coup, célibataire alors? Ah non, j'ai une nouvelle copine, mais avec elle, je tenterai pas. Voilà. Notez bien, les amis, hein. Manéo, il l'a fait, il le refera plus jamais de sa vie. On a Julien aussi. Ah bon? Célibataire, si. Ouais, célibataire. Bah, on te souhaite que ça continue avec ta copine, surtout Manéo, t'as déjà envie de la quitter, là? C'est pas faux. D'accord, ok. Ouais, rattrape-toi, putain. Reste avec nous, Manéo, il y a Julien aussi qui est là. Julien de Montpellier. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Salut. Tu sais qu'on va faire les 48 heures Love in Fun à Montpellier, Julien? Ah non, je savais pas. Ah voilà. Oh là là. C'est le seul à Montpellier à pas être au courant. Vous imaginez, putain, sans déconner, je sais qu'il y a des concerts Place de la Comédie en ce moment qui nous attendent. Hein. Love in Fun. On vous attend. Bon, bref. Et Julien, alors si tu veux qu'on débarque justement à Montpellier, donc ça c'est déjà fait, mais si tu veux passer les 48 heures Love in Fun avec nous, il suffit de t'inscrire en message privé sur Facebook. Après, peut-être que tu vas pas avoir nos gueules. Hein. Ouais, non, mais après c'est pas ça, je vous adore et tout, mais je suis en alternance, enfin là, je bouge et tout, donc je suis d'originaire de là-bas, c'est tout. Oh, putain, tu m'as mis un râteau, quoi. Ça, mais grave, le râteau. On dirait qu'un de se faire plaquer pour une excuse de merde, quoi. Ah ouais, c'est ça, je suis en alternance. Trop de boulot. Bon, et Julien. Tu m'envoies une invite, Julien, y a pas de souci. Bon, Julien, tu voulais nous parler de ton plan A3, mais on s'en fout. Alors, on va accueillir, non, vas-y, Julien, dis-nous tout. Ouais, moi c'est un truc de fou qui m'est arrivé, j'avais 17 piges, j'étais encore plus tôt, j'avais jamais rien fait. Non. Et si je vous raconte, j'étais à un hôtel en vacances et avec un pote et tout, un soir au bar, il y a une meuf toute seule qui s'approche et tout, qui commence à parler. Et elle commençait à me parler anglais, tout, je comprenais rien, elle commençait à me poser des questions en mode si j'étais tout seul, si j'étais venu avec nos parents et tout ça. Ouais. Enfin, je commence à comprendre qu'elle voulait qu'on aille dans sa chambre et tout, enfin vraiment un truc chelou, quoi. Waouh. Et là, mon pote, il était pas trop au courant, il captait pas trop, il voulait plus parler avec la serveuse et tout. Et je dis, frérot, elle est en train de me draguer, elle veut commander dans sa chambre et tout. Et là, le truc, c'est que, enfin, moi, j'avais 17 ans, j'avais jamais rien fait et tout. Après, c'était mon fantasme. Franchement, enfin, voilà, je voulais vraiment le faire avant 18 ans. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Ouais. Et le truc, c'est que, en fait, l'histoire, c'est que la femme en question, elle avait plus de 45 ans. Ah oui? Ah oui, ok. Ah, putain, merde. Un petit détail, quoi. Daronne, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ben, on n'a rien fait ce soir-là. Et le lendemain, elle était encore là et tout. Et du coup, on était au bar et tout. Et là, je vais aux toilettes et je vois qu'elle me suit et tout. Et là, elle rentre dans les toilettes. Elle commence à me sucer, quoi, direct. Oh, putain. Elle est en route. Ah ouais, non, mais elle était totalement folle. D'accord. Et bref, au final, j'ai pas voulu aller plus loin parce que j'avais rien, tout ça, machin. Enfin, j'ai complètement paniqué sur le coup. Ah, tu m'étonnes. Je suis retourné voir mon pote. J'ai dit, frère, il vient de se passer un truc. Il faut que je te raconte. C'est un truc de fou. Il me croyait pas et tout. Et je lui raconte. La meuf commence à arriver et tout. Elle commence à s'asseoir avec nous, à parler, à me dire que moi, je suis un gros PD et tout parce que je voulais rien faire avec elle et tout. Nanana. Ouais. Oula. Du coup, elle commence à chauffer mon pote et tout. Et mon pote était pas trop chaud, etc. Et du coup, elle part dans sa chambre. Elle ouais. part dans sa chambre au bout d'une heure. Ouais. Et là, avec mon pote, on discute. J'ai dit, écoute, enfin, il me dit, faut que tu fasses et tout. Tu vas regretter de pas le faire. Et tout, c'est clair. Il me dit, tu vas regretter et tout. Je fais, ouais, franchement, ok. Il me fait, au pire, tu vas. Mais moi, je fais rien. Ok, si tu veux. Et en fait, le truc en question, c'était que mon pote, c'était un gros baraqué de 1m90. Il faisait 150 kilos. Enfin, un truc de ouf, quoi. Et du coup, on monte vers 3h du matin. Il faut savoir qu'elle était, enfin, elle était complètement bourrée, quoi. On arrive, on toque à la porte, elle nous ouvre, elle était à poil. Ouais. À poil. Ouais. Et en fait, et le truc qui est drôle, c'est que c'est ce qui se passe dans l'acte, en fait, tel qu'on arrive et tout. Mon pote, il fait comprendre qu'en gros, il va juste se faire sucer et tout. Et là, elle commence à nous faire des cours de sexologie en mode, ouais, faut vous branler plus, les gars et tout, nanana. À nous dire qu'on pue de la bite, qu'il faut aller se laver la bite, sinon elle nous fera rien et tout. Et tout. Allez vous laver la bite. Du coup, avec mon pote dans la salle de bain, on commence à se nettoyer la bite avec du savon et tout, enfin un truc de ouf. Et là on revient et du coup lui il fait sucer et tout, et là elle voulait que ça qu'il la baise et tout, mon pote me dit vas-y et tout. Et le truc du coup j'ai dit ben allez ok. Et en fait ce qui était énorme c'est que lui se faisait sucer, il me regardait, on se lançait des regards, on se checkait et tout, j'étais en train de la baiser et tout, enfin c'était. Non mais c'est horrible justement de regarder ton pote dans les yeux. J'étais en levrette, lui il se faisait sucer, mais plus ou moins, vous imaginez, c'était un gros black, enfin j'avais jamais vu une bite aussi énorme que ça. Mais le pire c'est quoi, c'est que du coup lui il lui a giflé partout, mais vraiment partout. Et moi j'étais là et enfin bref il me disait vas-y gros défonce-la et tout. Mais c'est horrible. J'adore. Alors salut à tous ceux qui sont connectés sur le Facebook Live. Oh là là. Vous découvrez peut-être Love in Fun, c'est une émission où on dit tout. Hein, donc il lui a giflé partout. Et c'était la fête. C'est atroce. Alors Julien, ça s'est terminé comment cette histoire? Vous avez dormi ensemble ou vous êtes parti après? Pas du tout. En fait il y a vraiment pas eu de respect. On a fait ce qu'il fallait. Après, quand on est parti, on l'a laissé tomber. Et le truc, ce qui est véridique, quand on est parti, c'est que lui, il lui a claqué les fesses, moi, je lui ai claqué les seins et on a claqué la porte. Non. Alors, j'aime pas le côté pas de respect, justement. Il faut respecter jusqu'au bout. On dit merci madame à la fin. En fait, si tu veux, c'est même elle. Enfin, elle voulait qu'on recommence le lendemain, elle voulait qu'on revienne et tout. Ça venait d'elle. D'accord. Mais vous avez été peut-être un peu loin. Ouais, ça venait d'elle, et vraiment en manque de sexe et tout. Enfin, moi j'avais 17 ans et c'était ma première fois. Ok. C'était ouf. Oui. Ok, Julien, on va prendre Jessie parce que Jessie il a aussi un truc à dire. N'hésitez pas à réagir en Facebook Live, hein, à ce que vient de dire Julien. Bonsoir Jessie. Allô Jessie. Oui, c'est moi. Bonsoir. Salut. Jessie, raconte-nous ton plan à 3, Jessie. Bah voilà, moi j'étais à une soirée, enfin je devais aller à une soirée. Du coup, je vais chez. À la base, il y avait ma cousine. Et elle avait une copine. Du coup, bah, j'y vais avec mon frère. Ouais. Quoi ? Et la fille était un peu trop chaude. Donc, au début, elle commençait à me faire un petit striptease. J'étais assis simplement sur une chaise, tout ça. Commençait à vouloir faire des jeux sexuels, tout ça. Ouais. Et du coup, bah, je me lance dans le jeu, mais elle allait un peu trop loin. Donc, je disais non dans certaines questions. Du coup, j'arrête le jeu à la fin. Je m'assois sur le canapé avec mon frère, ma cousine, et puis bah la fille est allongée sur nous. Mais attends, t'as fait ça en famille? T'es en train de nous dire que t'as fait un plan à plusieurs avec ta cousine, ton frère et une meuf? Non, pas en famille, c'était ma demi-cousine et mon demi-frère, on va dire. Ouais. Et alors, il s'est passé quoi au final? Bah, au final, bah on était sur le canapé, elle avait les jambes sur moi, du coup, j'avais mon bras sur sa jambe. Et je voyais qu'avec ses jambes, à ramener mon bras vers sa chatte, quoi, tu vois. Putain. Et du coup, bah moi, j'ai de quoi. Et la suite, on veut savoir la suite, bah, Jessie. Du coup, je glisse ma main tendrement, mais je vois qu'il y avait un petit barrage avec un collant. Ouais. Du coup, je fais le tour. Il y avait une petite couette au-dessus, mais bon, ça bouge. Et du coup, on voyait la couette bouger. Bah, après, j'ai atterri... le truc, quoi, mais ça bougeait. Du coup, après, je me suis fait choper par ma cousine et mon beau-frère, quoi. Ouais. Et du coup, après, bah, on a commencé à boire, machin, parce que moi, je pouvais pas faire à jeun avec elle.

Loud Luxury et Body sur Fun Radio. 22h à minuit. 0,42,48,5. Avec Karel, Alice et Doc. Sur Fun Radio. Sexy chocolat dans un instant. D'ailleurs, on va accueillir Sabrina avec qui on va faire un sexy chocolat d'ici quelques minutes. T'es là, Sabrina? Oui, je suis là. Bon, alors t'as des doutes sur la fidélité de ton mec, toi, c'est ça, Sabrina? Oui, c'est ça, j'ai des doutes sur sa fidélité. D'accord, bah tu restes avec nous et on va justement essayer de l'appeler dans un instant pour le tester. On lui proposera d'offrir des chocolats érotiques à la personne de son choix. On espère que ça va être toi, hein, Sabrina, d'accord? Ok, pas de soucis. Tu restes avec nous, mais on va avoir la fin de cette histoire. Ah, oui. Oui, alors j'espère que tout le monde est resté parce que on est tous un petit peu comme ça dans le suspense. Jessie nous raconte son plan à trois. Alors, Jessie, je vais t'imposer un défi. Oui. Acceptes-tu de relever mon défi? J'accepte tous les défis. D'accord. Alors, tu vas devoir raconter cette histoire sans dire du coup. Parce que tout à l'heure, tu nous l'as raconté, et j'ai noté 17 du coup. Ah oui. Du coup, c'est un peu chiant. Alors, Jessie nous raconte son histoire de plan à 3 sans dire du coup. Si tu dis du coup, on raccroche. Tu perds et on raccroche. D'accord? Ça marche. Alors, Jessie, donc tu te retrouves avec ta cousine et avec ton frère. Ouais. Du coup, attendez. Ok, donc t'es avec ton frère. Donc je suis avec mon frère et ma cousine et tout. Du coup, voilà. Du coup, on monte là-haut. Un pouce sur le lit. Après, je lui dis bah si ça te dit, on peut faire un plan à trois. Au début, elle était pas trop chaude. Après, elle me dit oui. Et après, j'ai invité mon frère, du coup, il est monté là-haut. Ah, encore un du coup? Encore un. Cet enfoiré là, il a commencé à coucher avant moi. Et après, j'ai couché peut-être 10 minutes et elle avait mal, du coup, j'étais obligé d'arrêter. Ok, et un autre. Jessie, franchement, t'es en train de nous dire que t'as fait un plan à trois avec ton frère et avec ta cousine. Non, pas ma cousine, hein. C'est ta copine de ma cousine. Ah oui, c'est différent, ça. Ouais, mais alors déjà, faire l'amour à côté de son frère et tout, c'est un délire. Ah, c'est chaud. Au début, dans tu noir, nous. On voit rien. Au début, tu nous as dit que c'était ton demi-frère, hein. Oui, mon demi-frère, c'est ma mère avec son père, c'est tout, quoi. D'accord, ok. Eh ben, du coup, merci, Jessie, t'as réussi à aller jusqu'au bout, mais t'en as quand même sorti trois. Tu sais quoi? Ouais, je sais. On va quand même t'envoyer le sextoy Lelo pour toi, Jessie, d'accord? Ah, ça marche, merci. Et du coup, t'es content ou pas? Ah, je suis content, mais ça va pas me servir à moi. tu peux l'offrir, c'est bientôt Noël. Profitez-en. Ouais, hein. Je l'offrir. C'est un cadeau sympathique. Et alors, je vais te dire, devant mamie qui ouvre ses cadeaux et tout, ça a toujours, c'est toujours le plus bel effet. Oh, qu'est-ce que c'est? Une télécommande. Papy m'embêtait à l'époque. Salut, Jessie. Salut, merci. Allez, salut, mon poteau. Et sexy chocolat, là, maintenant. A-t-il vraiment des sentiments pour vous? Sexy chocolat. Sexy chocolat. Loving Fun s'occupe de votre couple sur Fun Radio. Vous l'avez entendu, c'est Sabrina qui va tester la fidélité de son mec Malik ce soir. Bonsoir Sabrina. Salut. Salut Sabrina, t'es un petit peu stressée? Comme il sait pas. C'est le principe, hein. J'ai peur qu'il prenne mal, quoi. D'accord, alors t'inquiète pas Sabrina, de toute façon nous on est des professionnels du sexy chocolat, ça ne se passe pas mal la plupart du temps et surtout on fait tout pour que ça ne se passe pas mal. Il faut juste être préparé au pire Sabrina, ça c'est toujours important pour nous de vous le dire parce que vous prenez le risque effectivement de savoir hein, si vous êtes cocu hein, complètement, c'est ça Sabrina. Pourquoi t'as des doutes? Raconte-nous un petit peu ton histoire d'amour avec Malik. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Alors là, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ok. Moi qui ai été infidèle de base. Ok, c'est-à-dire c'est à combien de temps ça que t'as été infidèle? L'été dernier là, l'été. Cet été là? En vacances. Ouais, cet été. Ok. Et j'étais en vacances avec des copines. Ouais. À Barcelone. Et j'ai fauté. Avec qui? Du coup, avec un Espagnol. Un Espagnol, ça a duré combien de temps? T'as couché avec lui? Non, c'était un soir. Un soir, t'as couché avec lui? Ouais, c'était sur le coup de la soirée, en fait. D'accord. Et tu en as parlé à Malik après? Tu lui as dit, voilà, Je me suis sentie mal, comme ça fait longtemps qu'on est ensemble et tout. Ben, du coup, le lendemain, je suis rentrée directement et je lui ai tout dit. Et comment il a réagi? Il a mal pris, mais bon, il a décidé de rester avec moi quand même, de me pardonner. Ok, d'accord. Et c'est toi qui as des doutes maintenant, c'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre. Et alors, dit que peut-être qu'il me renvoie l'appareil. D'accord, et qu'est-ce qui te fait penser ça? Ben, en fait, il a repris le foot, là, il y a quelques mois. Ouais. Enfin, à la fin de l'été, quoi, et il est très distant. Avant, il n'était pas comme ça. On dirait qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Depuis cet été? Depuis après l'été. Oui, depuis que tu es rentrée et que tu l'as avoué. Depuis ça, quoi. Ouais, ça a peut-être... en gros, c'est ça, mais c'est pas pour ça. Ça se voit que c'est pas pour ça. D'accord, et t'as fouillé un peu dans le téléphone, tout ça? Ouais, mais il cache, en fait, c'est impossible. Tout le monde fouille, hein, sans déconner, putain. Ouais, mais c'est impossible de fouiller avec lui. Ouais, bah, comme avec moi. C'est toujours possible. Ouais. Et alors, pourquoi c'est... Comment ça, c'est toujours possible? Mais c'est toujours possible. Ah, mais après, oui, si tu commences à foutre... Comment est-ce que tu commences à foutre des virus dans le téléphone? Il y a des clés comme ça. Oui, tout est possible. Ouais, vas-y, Sabrina. La suite? Ouais, mais non, là, c'est... Je me suis dit que c'était la seule solution, parce que... Ok, bon, tu en as parlé un peu? Au final... Non, mais j'ai l'impression que tu t'endors. Tu t'endors, il est tard pour toi, Sabrina? Non. Bon, alors, tu lui en as parlé un petit peu, ouais, déjà? Ben, je lui ai demandé, mais ça sert à rien. Oui, non, ça sert à rien. Si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu me trompes, il a envie de te le cacher. Non, pas comme ça, mais dire, mais pourquoi t'es distant? Est-ce que tu te sens différent? Est-ce que c'est le foot qui fait que... Il va dire que c'est le foot. C'est le foot. C'est le foot. Bien sûr. Tout est à cause du foot, désormais, bien sûr. Ben oui. Alors... Sabrina, on va lui passer un petit coup de téléphone. Je me fais passer pour Denichon. Je vais lui dire qu'il a gagné des chocolats érotiques à offrir à la personne de son choix. Et j'espère qu'il va donner ton prénom. On appelle, il est 23h. On fait tout en direct ici. Il n'y a pas de fake, de rien du tout. Donc on y va. On appelle Malik tout de suite. D'accord? Ok. Et que du vrai. Excusez-moi, je fais un petit rond. Allô? Oui, bonsoir, pourrais-je parler à Malik, s'il vous plaît? C'est moi. Oui, bonsoir Malik, Denichon, la chocolaterie Sexy Chocolat, je vous dérange pas? Je vous appelle un petit peu tard, peut-être. Ben ouais, il est 23h quand même. Bon, alors, je me présente, vous en êtes fait... Vous êtes les démarcheurs, vous m'avez appelé trois fois aujourd'hui déjà, là, vous, franchement, vous faites chier, quoi. Alors, franchement, ça peut pas être moi, franchement. Alors, moi aussi, je me fais harceler par des gens qui me démarchent au téléphone. Moi, je suis pas là pour vous démarcher, je suis là pour vous offrir un cadeau. Et je me suis fait raccrocher à la gueule. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc c'est pas grave, dans ces cas-là, je rappelle. Alors c'est sûr que si vous avez passé l'après-midi à les appeler, les copains, pour vérifier le numéro de téléphone, c'est plus compliqué pour moi le soir. Mais bon, je vous aime beaucoup. Non, juste pas de cadeau à Noël. Allô? Oui, Malik? Oui? Mais ne raccrochez pas, enfin, j'ai une bonne surprise à vous annoncer. Alors, est-ce qu'on peut discuter? J'en ai pour 2 minutes et après vous serez content. Ok, d'accord, pas de souci. Merci Malik. Que alors, 2 minutes, hein, pas... 2 minutes, je vous explique. Nous sommes une boutique de chocolat sur la thématique de l'érotisme. On est basé à Lyon. Voilà, on est dans le centre-ville de Lyon. Et je vous appelle pour vous annoncer une bonne nouvelle. En fait, on appelle quelques particuliers, voilà, pour leur faire bénéficier d'un beau cadeau que nous aimerions vous offrir gratuitement. C'est gratuit, hein, ça c'est très important. On va pas vous l'offrir à vous, on va l'offrir à la personne qui partage votre vie, à votre petite amie, à votre plan cul. Ça peut être, voilà, une personne à qui vous voulez faire plaisir, mais c'est quelqu'un forcément avec qui vous avez des sentiments et quelqu'un à qui vous voulez faire plaisir. Parce que c'est un coffret Sexy Chocolat. En fait, c'est comme si vous offriez un bouquet de fleurs, sauf que nous, on va s'occuper de tout. On va prendre l'adresse, on va prendre le prénom de la personne, on va lui envoyer un petit mot et elle va recevoir, alors ça c'est la valeur que je vous donne, mais l'équivalent d'une centaine d'euros de coffrets cadeaux. Donc, mais

J'allais te jeter là dans pas longtemps. Hein, voilà. Tu m'as cassé les couilles, laisse tomber. Tu fais comme casser les couilles là. Mais pourquoi tu restes avec moi alors? Pourquoi tu restes avec moi? Je sais pas, tu m'as cassé les couilles, tu m'as cassé les couilles. T'as le bâtard, rien à dire. Vas-y, c'est bon. Ça sert à rien de parler, la vérité. Tu préfères parler à des inconnus que parler avec moi? Déjà, tu t'es fait afficher devant tout le monde et tu veux pas parler avec moi? Afficher devant tout le monde, qu'est-ce afficher devant tout le monde? Ben, t'es sur la radio, tu t'es fait afficher devant tout le monde, t'as pas honte? T'es au téléphone, t'es con. Franchement, si on peut se permettre, il n'y a pas d'afficher qui que ce soit. Il y a surtout une histoire qui s'arrête ou qui continue. Enfin voilà, après ça sert à rien de se mentir. Il n'y a aucune continuation, c'est fini, c'est tout. Fini Malik. Mais là t'es... Ah, parce que en fait c'est moi qui te teste et c'est toi qui mets fin à la relation. Ouais, je sais pas, tu m'as cassé les couilles. Franchement honnêtement, je suis malade, Malik, sérieux. Non mais toi t'as vraiment il a vraiment un problème, c'est tout. Bah, Maëva, ça montre qui est Malik, là, je crois que... Sabrina, hein, ça montre qui est Malik. Je vous disais bien qu'il était bizarre. Je suis énervé, là, pour le coup, là. Franchement, on va juger personne, hein. Ni Sabrina, ni Malik. Sabrina qui a fait la connerie aussi cet été. Et là, Malik. Ouais, il a accepté. Voilà. À partir du moment où il accepte, il a plus rien à dire. Mais comme on dit, pardonner, mais jamais oublier. Mais c'était pas une raison pour refaire la même chose après. T'as carrément créé une double vie, moi c'était juste une petite erreur comme ça. Et Malik, c'est qui cette meuf, cette Estelle là? C'est une fille genre juste comme ça ou t'as une vraie relation avec elle et t'as envie que ça aille plus loin? C'est ta petite amie. C'est ta petite. Non, j'ai une vraie relation avec elle. Ok, donc rien à voir avec. Enfin. Tu tires ça sérieux? Sabrina, c'est qui pour toi? Moi j'assume. Ah bah non, on dirait pas Malik, parce que t'aurais pu le dire à Sabrina dès que ça avait commencé non, avec cette Estelle. Mais après ça fait pas comme si ça datait depuis 6 mois non. Bah elle l'a senti, tu vois, elle dit bien qu'elle l'a senti et certainement tout de suite. Donc dès que tu as été avec une autre, elle l'a senti. Dès ce moment-là, pour être honnête, carré et franc, t'aurais dû dire, écoute Sabrina, voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et puis c'est terminé. Ça c'est honnête. Donc ça c'est assumé. Ouais, là non, c'est pas assumé. Là tu l'as lui fait à l'envers. Non mais maintenant j'assume. Moi, je lui ai dit directement. Lui, il a jamais été honnête dans l'histoire. Mais qu'est-ce que tu dis directement, s'il te plaît? Tu me l'as dit 2 semaines après quand t'es rentré, wesh. Non, je te l'ai dit le lendemain. Mais vas-y, toi. Bon, ok. Oui. Bon, alors, Sabrina, il va falloir que vous parliez quand même tous les deux en antenne. Non, mais il n'y a rien à dire, là. Il n'y a plus rien à dire. Et vous n'habitez pas. C'est que moi, je vais bien communiquer, mais c'est lui qui met fin directement à la discussion. Bah ouais, ça m'a saoulé, moi. Personnellement, d'être testé, ça m'a saoulé. Parce que t'a saoulé de quoi? Ce qui t'a saoulé, c'est que t'as été piégé. Ça m'a saoulé d'être piégé. T'aurais rien eu à te reprocher, c'était plus facile, hein, ça t'aurait pas saoulé. Donc. Ben oui, dans l'histoire, c'est moi qui ai saoulé, c'est pas toi. Alors non, mais j'assume, je m'en fous. Ok, Malik. On va vous laisser parler tous les deux, ou pas, hein, vous pouvez aussi, et puis vous prendrez les décisions qui s'imposent à tous les deux. Bon, c'est jamais cool. Fun Radio, ça passe la combien sur la radio? Ça passe sur la combien à la radio? Alors à Lyon, la fréquence, on va te la donner. Tu pourras te retrouver sur YouTube, hein, sinon t'inquiète pas. Putain, et funradio.fr. Vas-y. Bon, mais non, mais prends qui s'est fait afficher là, ce petit con. Malik, on va pas te déranger plus longtemps. Si tu souhaites parler à Sabrina, bah, n'hésite pas à la rappeler, hein, et que vous expliquiez tous les deux. Non, mais me rappelle pas. Mais c'est bon, il y aura rien. De toute façon, après cet appel, il y aura pas de message, il y aura rien du tout. Il y aura sûrement des messages parce que là, c'est à chaud. Non, mais il y aura rien du tout. Et ça fait trois ans que vous êtes ensemble. Oui, trois ans de merde. Et tu sais, Sabrina, de la même façon que Malik t'a pardonné, tu pourrais aussi éventuellement, pardonner Malik, je ne sais pas, tu vois. Enfin, de la manière de comment il réagit là, c'est normal. J'ai entendu des réactions pires que ça, franchement. Ouais, il met fin à la relation alors que c'est lui qui est en train de fauter à l'instant même. 93.3 hein, pour nous écouter, Malik, Fun Radio Lyon. Ok, d'accord. T'es dans ta voiture là? Ouais, là je suis. Bah vas-y, Malik, mets le 93.3 hein, en direct. Alors, si c'est un vieil autoradio, ça peut mettre du temps, hein, pour mettre le 93.3. Autoradio, ça peut mettre du temps. Hein. Voilà, Malik de Lyon. Non, mais sa voiture, c'est une vieille voiture, je vais lui crever ses pneus. Non, mais c'est fou qu'ils veulent se réécouter, quoi. Ouais. Où est-ce que je peux me réécouter? Vas-y, là. Et oui, c'est vrai. Connu en plus, c'est sur les trucs principaux de la radio. Bah oui. Malik, tu veux faire une dédicace peut-être? Non, c'est bon, aucune dédicace, la vérité. Trop énervé là. Bon putain. Je me saoulé. Oui, bah oui, Malik, on a compris. Bon, alors Malik, on te repasse quand même Sabrina et je te dis salut, Malik. Salut. Non, il n'y a pas de salut, moi. Okay. Moi, c'est bon. On peut comprendre. On peut comprendre, oui, Malik. Normal. On peut comprendre. Salut, Malik. Ouais. Et Sabrina? Oui. Bon, et je suis désolé, ma chérie. Ouais, ça va être dur, là. Ouais, ça va pas être facile. Ouais. Non, mais c'est pas vous qui devrez être désolé, c'est lui. Hein. Bah écoute, je t'avais dit, hein, il faut toujours accepter que ça puisse être une mauvaise nouvelle. Donc là, c'est une très mauvaise nouvelle, Sabrina. Donc, on va se rappeler, je pense, dans les jours qui arrivent. Tu nous diras un petit peu comment ça a évolué pour toi. Le plus, c'est même pas ce qu'il a fait, c'est de la manière de comment il réagit. Donc, bah bon, oui, après, c'est normal. On n'a pas trop de détails. Tu la connais, la Estelle, ou pas, là? Non, je la connais même pas. Bon, et ben, il y a aussi peut-être des, voilà. Enfin, moi, je serai à ta place. J'essaierai quand même d'avoir une discussion avec lui. Enfin, voilà, au moins que vous. Non, vous mais je vais même pas avoir une discussion avec lui. Je vais avoir une discussion avec sa mère. Il va avoir. Ouais. Oh. Ah, écoute, essayez de vous respecter un peu. Ouais. Voilà. C'est important. Non, je vais avoir une discussion avec sa mère. Ouais, mais c'est pas. Ça sert à rien de passer à travers sa mère, quoi, tu vois. Enfin, c'est pas ça. C'est pas en parlant à sa mère que ça va expliquer quoi que ce soit, si tu veux. Ça te soulagera pas, forcément. Non, non, non. Et puis, vous êtes deux adultes, il faudrait. Ça va encore plus chier, donc, comme il est saoulé, je vais le saouler encore plus. Bon, okay. Laisse passer la nuit, la journée, et puis tu verras ce que tu feras. Voilà. Alors, là, c'est à chaud, donc c'est toujours difficile. Oui, évidemment. On te fait des gros bisous, Sabrina. Ok, gros bisous. Bon, et bon courage, hein, prends soin de toi. Merci. Et on voudra des nouvelles de Sabrina. 01 42 48 5000. On va faire appel à la solidarité des auditeurs de Fun Radio avec Nicolas qui nous appelle de Nantes, qui est en galère là. Salut Nicolas. Salut Karel, salut Ali, salut Doc. Ça va? Salut. Salut Nicolas. Et donc toi, t'es à Nantes et t'as besoin de nous là ce soir, c'est ça? Bah ouais, depuis hier, parce que vu que j'ai envoyé un message, et je me suis dit, tiens, je vais appeler Fun Radio ce soir, et puis voilà. Bah dis-nous, pourquoi t'as besoin de nous, là, en quelques mots? Pardon, excuse-moi, oui, bah oui. Non, c'est pour trouver des gens qui pourraient m'aider pour me loger, quoi, en gros, voilà, parce que vu que je suis en galère pour dormir le soir, c'est assez compliqué. Voilà. Ouais, en plus avec les températures, là, en ce moment... Hier, j'ai squatté une laverie. J'ai même pas dormi depuis 6 heures. Après, j'étais chez un pote le lendemain ce matin pour dormir, pour me doucher. Mais franchement, la nuit dernière, j'ai passé dans une laverie, mais vraiment, je tournais en rond pendant au moins 6 heures, toi. 6-7 heures. Bon, tu vas rester avec nous, Nicolas. Tu vas nous raconter ta situation, pourquoi t'en es arrivé là aussi. Et puis surtout, on va faire appel à la solidarité si effectivement quelqu'un peut te dépanner. Hein, surtout en ce moment. Hein, c'est vraiment la période hivernale. Hein. Tu restes avec nous, Nicolas. Dans un instant, 01 42 48 5000. Toutes vos réactions sont les bienvenues. Et Selena Gomez, DJ Snake pour le son. À tout de suite. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Cette semaine, oui, écoutez Fun Radio non-stop. Hi, it's Jonas Blue on Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun avec deux tubes de Jonas Blue mixés à la suite, j'ai entendu le double fun. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio au 3228. Et vous gagnez votre PS4 Slim. Et le jeu événement Red Dead Redemption 2. Oh là là là là. Le double fun Jonas Blue. Uniquement sur Fun Radio. Thank you Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Je m'appelle Alice. Je suis victime de violences conjugales, mais j'ai décidé de m'en sortir. Ça n'a pas été facile. J'ai même beaucoup hésité. J'ai même cru que c'était de ma faute et que ça allait s'arranger. Mais là, c'est fini. Lui seul est responsable. Je vais le faire pour mes enfants. Et cette fois-ci, rien ne m'arrêtera. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appeler le 3919 et de choisir la vie. Retrouvez mon histoire sur solidaritéfemmes.org. Solidarité Femmes et Grande Cause Nationale 2018. Faites un don. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You anything tonight? Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the thing that I do. I'm here though. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. On est en direct hein, tous les soirs sur Fun Radio. Merci beaucoup d'être avec nous du dimanche au jeudi. Il y a beaucoup de réactions suite au Sexy Chocolat là, avec l'histoire de Malik, de sa copine. C'est vrai que c'était assez chaud hein, ce qui s'est passé. Il y a eu tromperie. On prendra des nouvelles hein, bien sûr hein, d'ici quelques jours. Comme vous le savez, ici quand vous venez sur l'antenne, on aime bien justement savoir un petit peu comment ça se passe après quoi. Parce qu'il n'y a pas que l'émission. Il y a aussi tout ce qui peut se passer en antenne. Et bien souvent, même on prend des nouvelles en antenne sans forcément. Et quelques mois plus tard, hein, ça nous est même arrivé de prendre des nouvelles d'auditeurs qui étaient passés à l'antenne il y a deux ans et qu'on a suivi comme ça quotidiennement parce qu'on l'a fait tous ensemble cette émission. Et il y a une vraie solidarité de tous les auditeurs. On parle souvent de la famille Fun Radio, la famille Love in Fun. Et ce soir, on fait appel à vous, les Nantais, les Nantaises, la Loire-Atlantique. C'est Nicolas qui vient nous raconter son histoire. Bonsoir Nicolas. Ouais, salut Karel, salut Doc. Ok, salut. Alors Nicolas, t'es oui. À la rue là en ce moment. On va dire plus loin. Là encore ce soir. T'es dans la rue, trouvé... pardon. Là, du coup, là ce soir, c'est bon. J'ai trouvé un foyer là, qui peut m'héberger. Mais après, demain, je sais pas. Et après-demain, voilà. Je peux pas dire si c'est tous les jours, toi. C'est vraiment. Faut appeler tous les jours le 115. Faut les harceler, tout ça. Voilà. Tu viens d'où, toi, Nicolas, à la base ? Nantes. D'accord. Donc, t'es nantais. À la base. Non, mais ça fait 10 ans que je suis à Nantes, toi, quasiment maintenant. D'accord. Et pourquoi tu te retrouves là aujourd'hui, Nicolas, tout seul à Nantes, sans avoir personne pour t'héberger ? On va dire que j'avais un appartement sur Nantes. Je suis parti parce que je voulais changer d'air. J'étais pas bien du tout dans ma tête. Je travaillais pas depuis quasiment un an et demi. Je galérais quoi. Enfin, j'ai dit à mes parents, j'ai dit voilà, t'as Nantes, j'arrive plus, je me fais chier. malgré que j'ai des potes, eux, ils pouvaient pas trop m'aider, toi, parce que bon, eux, ils ont leur vie. Moi, j'étais plus dépressif, on va dire, toi. J'engueulais tout le monde, je me prenais la tête, et voilà, quoi. Du coup, je suis parti quelques temps. Et du coup, quand j'étais dans cette ville, j'étais à Poitiers, toi. Bon, au final, t'as Poitiers, je pensais que ça allait être bien. Au final, c'est pas terrible, Poitiers, c'est vraiment pourri, quoi, voilà. Pour moi, après, peut-être que les auditeurs adorent. Moi, c'est pas la ville que je préfère. Et vu que j'avais un pote, mon pote là que je connais depuis 10 ans, on s'entend bien, on s'adore, tout ça, on a fait des bonnes soirées, il m'a dit écoute, tu reviens à Nantes, je t'héberge. Je dis ok, c'est cool. Puis au fur et à mesure, depuis un mois, on s'est pris la tête, on a failli se taper dessus, ceci, cela. Là, du coup, là, depuis deux jours, on essaye de recréer un peu les liens, toi. Hier soir, je suis venu, pas hier soir, mais avant-hier, voilà, je suis venu chez lui, on a bouffé ensemble. Hier, c'était pareil. Là, aujourd'hui, il pouvait pas, parce qu'il me dit, Nico, pas tous les soirs, parce qu'après, voilà, j'ai peur qu'on se prenne la tête. Je dis, ouais, franchement, t'as raison. En plus, toi, lui, vit dans un 23 mètres carrés, toi, c'est petit, toi. Mmh. Alors, lui, il est très bordélique, ceci, cela, mais franchement, c'est bon, après c'est mon pote, voilà, que j'aime, que j'adore, mais comme je l'ai dit, aux personnes que je connaisse, même à son propriétaire que je connais, je dis moi je peux pas, je dis toi, il faut vraiment que moi t'aies ma vie, toi t'as ta vie, il faut qu'on se voie, mais comme avant, genre sortir, voilà, mais on peut pas vivre ensemble, toi et moi. Voilà, si je viens juste une soirée chez lui, il s'en fout. Voilà, Nico, tu peux venir, on va manger ensemble, on va prendre l'apéro, voilà. Mais après, vivre avec lui, c'est vrai que c'est compliqué. Dans 20 mètres carrés, c'est petit, et puis tous les jours, pendant un mois d'affilée, c'est sûr que, c'est lourd. Parce que lui, il bosse, mais c'est que moi, toi, la journée, oui. Moi, je fais des démarches. Et puis, quand il rentrait, moi, des fois, je pétais un plomb pour rien, puis des fois, ça durait pendant une heure, et puis, ça partait un peu en couille, et puis, voilà. Quoi. Est-ce que toi, tu te sens mieux dans ta tête? Tu disais tout à l'heure que ça allait pas bien dans ta tête avant que tu partes. Non. Non, c'est pas ça encore. Moi, je suis comme ça depuis presque un an, hein. Et est-ce que t'as déjà consulté quelqu'un? Est-ce que tu t'es fait aider? Est-ce que t'es entouré? Oui, j'ai déjà consulté un psy, tout ça, mais malheureusement, il faut que je reprenne contact parce que la dame, elle sait pas, du coup, je suis revenu à Nantes, et puis c'est vrai que même à Poitiers, hein. Moi, toi, quand j'étais à Poitiers, là, dans mon appartement, je disais à mon pote, ou j'appelais plus mon pote que les autres, parce que je disais, non, là, je suis pas bien, attends, faut que je rentre à Nantes. Il faut que tu te fasses aider. Hein. Ouais. En dehors des gens pour t'héberger, mais il faut que tu te fasses aider par ailleurs. Après, tout ce qui est assistante sociale, ça s'est fait. Tout ce qui est demande de logement, ça s'est fait. Ça va prendre du temps. Ça veut dire que j'aurai pas un appartement demain. Ça peut attendre une semaine, deux semaines. Nicolas, pour être un peu plus concret, tu cherches quoi, là, dans l'urgence, avec les températures qu'il fait, là, dehors Après, je sais pas s'il y a des gens qui veulent m'héberger, mais après, moi, niveau thunes, moi, je suis au RSA, toi. Je pourrais pas donner, par exemple, 50 euros par jour, toi. Non, mais bien sûr. Il y a une possibilité, effectivement, de donner un petit truc, quand même. Oui, ou faire des... je fais des courses et puis je ramène chez la personne. Par exemple, tu ramènes un poulet, un steak, ce que tu veux, quoi. Oui, ou faire la cuisine. Oui. Participer aux tâches ménagères. Bien sûr. Il faut que ce soit provisoire, Nicolas. C'est ça aussi. Ouais. Il faut que ça puisse te permettre de te relancer. Alors, je connais effectivement ta situation. Tu dis que t'es au RSA. Est-ce que tu cherches du boulot? Est-ce que t'es prêt à... J'ai eu un entretien là tout à l'heure avec Pôle emploi, toi, pour faire mon CV. Ouais. Et j'ai dit tout ce que je vous avais dit là, j'ai dit tout au mec, ce que j'ai dit à l'instant là, que j'étais plus ou moins à la rue, que j'étais pas bien dans ma tête, qu'il fallait que j'aille une assistance sociale, Tu sais faire quoi, Nicolas? Parce que au-delà de te trouver peut-être un hébergement pour quelques jours, ce serait encore mieux si on pouvait te trouver un petit boulot, et je sais qu'il y a plein d'auditeurs et tout, mise en rayon. Mise en rayon, par exemple, ouais. Ouais, la mise en rayon. Bon, sauf moi, c'est que j'ai pas de bagnole, toi. Parce que je sais que toi, moi, à chaque fois que j'appelais les boîtes d'intérim, c'est tu commences à 5h, puis moi, je dis, moi, 5h, je peux pas, j'ai pas de bagnole, j'ai rien, y a pas de bus, toi. Et parce que les trams à Nantes commencent vers 6h30. Mm-hmm. Et moi, je sais qu'en mise en rayon, à chaque fois, on me disait, ouais, mais ça va être chose, que t'as pas de voiture, nanana. Alors, un peu de la manutention classique, toi, j'en sais rien, petit bricolage, voilà. D'accord. Donc c'est noté, c'est dit. Ouais. Je rappelle le numéro de téléphone, le 01 42 48 5000. Après, c'est peut-être juste nous appeler pour aussi avoir le numéro de téléphone de Nicolas et éventuellement discuter et voir ce qui est possible. Alors, moi, je suis moi je suis très sociable, toi, moi je veux dire, même si c'est, même si je peux rencontrer des gens en même temps, ça me fera, je pense que ça me fera du bien, parce que même toi, ceux que je connais, ils m'ont dit franchement, Nico, tu vas avoir d'attendre 7 ans dans quasiment un mois, il va falloir quand même que tu, bah, que tu fasses ta vie, parce que toi, moi j'ai pas de gosse, j'ai pas de femme, j'ai rien, moi, moi c'est, là c'est, moi je suis avec mes affaires à 24 dans la rue, avec mon ordi, avec mes fringues, avec voilà quoi, toi, j'ai mes sacs à dos, bah mes sacs à dos, j'en ai que deux, mais bon voilà quoi. En galère, t'es clairement en galère. On a, alors on va accueillir Yann, Yann, 19 ans de Nantes. Bonsoir Yann. Salut toute l'équipe. Salut Yann. Alors toi t'es à Nantes, hein, c'est ça? C'est ça. Et chauffeur routier? C'est ça. Voilà, les routiers sont sympas, je le répète tout le temps dans cette émission. Les routiers sont cool. Yann, Yann, est-ce que t'aurais peut-être quelque chose à dire à Nicolas? Je sais pas. Oui, tout à fait. J'ai quelque chose à lui dire, c'est que voilà, moi j'ai une amie à moi qui fait de la colocation. Et je sais qu'il y a de la place chez elle dans sa colocation qu'elle est actuellement. Donc je vais pouvoir lui passer son numéro pour qu'au moins il ait un hébergement provisoire, quoi. Ah ouais, carrément, ça serait bien, ouais. Franchement, je veux bien. Et elle habite où exactement dans Nantes? Alors là, exactement, je peux pas te dire. J'ai eu son adresse en tête, voilà, je l'ai zappé. Ça sera en antenne, ouais, oui, ça. Bah, tu vas pas le dire à la radio, mais d'accord, de toute façon, moi je connais un peu Nantes et voilà quoi, ok. Bon, et c'est un premier appel, hein. Clairement, oui, Yann, s'il y a d'autres propositions, et merci beaucoup Yann, alors il faudra peut-être en parler à la personne, parce que là c'est Yann qui dit voilà, j'ai une amie qui pourra peut-être, bon, il va peut-être falloir demander à l'ami, hein, et Moi on m'a parlé que si j'entendais parler que quelqu'un cherchait une colocation, elle était prête à prendre une personne, donc tant qu'à faire, autant parler pour elle aussi. tout à fait. Après Nicolas a dit qu'il avait pas non plus beaucoup de moyens. Voilà, moi c'est pas vraiment pour moi c'est pour dormir. Après toi, moi la journée, t'as je bouge, toi. Je vais pas rester chez ta pote devant la télé ou devant internet, toi. Moi ça m'intéresse pas, toi. C'est juste pour dormir le soir, tranquille, toi, pour manger, et puis voilà. Après il y a pas de problème, ça va, voilà. Ça peut gérer. Elle a fait sa vie. Moi je fais la mienne, je rentre à, si elle me dit que tu rentres vers 21h pour manger, il y a pas de souci, je rentre vers 21h, après je dors, et puis le lendemain vers 8-9h, bah je bouge, voilà, je vais pas non plus rester Après ça c'est votre popote, hein, vous faites votre popote. Vous arrangez entre vous. Ouais mais carrément, ouais non mais ça c'est super cool. Merci beaucoup Yann d'avoir appelé. Il y a pas de problème. Si jamais il a besoin, bah moi je suis prêt à dépanner un McDo un soir, il y a pas de problème, voilà. Carrément. Ouais, t'inquiète, merci. Ouais, et vas-y Nico. Avec une petite bière si possible. À tout de suite. Ah, il est bon. Il y a pas de problème. Il est fort. Et Nicolas, il y a d'autres appels, pas forcément des personnes qui veulent passer à l'antenne, et on peut le comprendre, hein, voilà. Ouais. Donc on va te filer toutes les coordonnées, et pareil, ce qu'on fera, et comme on le fait souvent dans l'émission, on va te rappeler pour savoir comment ça se passe. Et puis surtout, Nicolas, il faut que ça te serve de tremplin, quoi. Tu l'as dit, t'as quel âge là maintenant, Nico, là? Bah, je vais avoir 37 dans 3 semaines. À 37 ans, voilà, et je pense que dans 10 ans, t'as pas envie de te retrouver dans la même situation, de... Ah bah non, j'ai pas envie de me retrouver vraiment, toi, clochard, ou complètement, voilà. Bon, en tout cas, tu te bouges, on t'entend, t'as vu l'assistante sociale, tu cherches du boulot, t'as passé un entretien. Là, pour l'instant, comme j'ai dit, je peux pas. Ils ont pas d'appartement en toi tout de suite. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, c'est sûr que je vais galérer pendant encore deux, trois semaines. Mais bon, après ça. Bon, eh ben, écoute, super. Nicolas, tu raccroches pas, merci, on va te repasser. Yann, merci encore, Yann, d'avoir appelé. Hein. Il y a pas de problème. Ouais, vas-y, Nico. Bon, je passe un bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront, et puis je fais un gros gros bisou à Alice et à. Standardiste Mélanie, voilà, non? Ah, Méloche! Gros c'est bisous, Nico! Et puis, Alice, franchement, tu es trop trop belle, franchement. Merci Nico, t'es trop chou. Bon, ça va, elle est pas si belle que ça. Bah, elle est potable, tu l'as pas vue en vrai, quoi. franchement, je voudrais bien te faire un câlin, mais bon. Oh, bah écoute, oui, pourquoi pas? Moi, je suis très câlin, hein, de toute façon. Non, parce que tout à l'heure, on parlait des plans à trois, alors moi. Oui, enfin, t'emballes pas. Calme-toi, Nicolas, calme-toi. Trouve le lit, Nico, et on en repart. Bah viens à Nantes ce week-end. J'ai trouvé une petite coloc. Rejoins-moi. Ah bah j'habite depuis un mois chez Alice. On y est bien. Nicolas, je te fais une grosse bise. Garde le moral, mon poteau. Ça marche, merci. Et à très vite. Merci encore à Yann qui nous a appelé. Tous ceux qui appellent au standard au 01 42 48 5000. Dans un instant, on va accueillir Romain, c'est ça? Romain, 17 ans de Colmar. Salut Romain.

pas mal d'histoires là-dessus, pas mal de réactions. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir, on lit vos commentaires hein, sur les vidéos YouTube. Allez-y, la chaîne YouTube de Love in Fun. Là, on va parler de sortir avec quelqu'un, hein, d'être avec la personne et de ne pas faire l'amour avec elle. De galérer avant de faire l'amour. C'est Romain qui nous appelle, il a 17 ans, il est de Colmar. Bonsoir Romain. Bonsoir la famille. Salut. Salut. C'est l'histoire de Romain qui sort avec une fille depuis combien de temps ? Là, ça va faire pratiquement 11 mois que je suis avec elle. 11 mois que t'es avec elle et ouais. T'as toujours pas fait l'amour avec elle ? Non, non, ça, ouais, ça fait 11 mois. Et tu trouves ça pas normal ? Bah, disons que moi j'avais fait déjà avec mon ex auparavant. Ouais. Du coup, je ne suis plus vierge, mais elle est encore. Elle est pas vraiment prête, en fait. Eh ben alors, tu le fais pas et t'attends, Romain. Vous êtes allé jusqu'où, là ? Bah, disons que là, on a vraiment bien entamé les préliminaires, quoi. C'est, on est vraiment bien dedans, quoi. Donc, c'est-à-dire ? Bah, disons que, on est dans, enfin, par exemple, on est dans le mode fellation ou, enfin, des choses comme ça, quoi. Déjà pas mal, Romain. Ouais, c'est déjà pas mal, c'est sûr. Mais bon, ce que j'attends, c'est une nouvelle expérience, parce que là, j'ai l'impression qu'on tourne un peu autour du pot, quoi, on va dire. Ok. T'en as parlé ? Oui. Oui, je lui en parle et tout, et puis en fait elle se dit prête selon elle. C'est juste qu'en fait elle attend le déclic, en fait le bon moment pour le faire, quoi. Vraiment que ce soit vraiment chaud ou je sais pas quoi. Et je sais pas comment l'amener à ce moment-là. Alors le lui de tes envies déjà, entre autres, de lui dire, pendant le rapport, tu lui dis, si tu le sens, pendant un rapport, là, moi j'aimerais bien, même si tu le fais pas, hein, mais juste communiquer ton avis, ton envie, en le disant sur le moment. Et puis évidemment, les préliminaires, oui, il faut que ça dure un peu. Et puis voir ce dont elle a envie, elle, tu peux aussi lui demander, hein, si sur ce moment-là, de quoi elle a envie, sans dire exactement, t'as envie de ça ou pas, hein, mais de quoi t'aurais envie, là. Ouais, de toute façon, on est très ouvert d'esprit, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, on n'est pas du tout timide. Hein. C'est bien. Tu sais, c'est juste une question d'être prête ou pas. Tu dis qu'elle se sent plus ou moins prête là maintenant, mais rien ne dit qu'elle l'est vraiment. Et si tu cherches à ce qu'on te donne un moyen pour qu'elle devienne prête, on ne pourra jamais te le donner, Romain. Il faut vraiment que ça vienne d'elle, quoi. Parce que combien de fois on a eu, hein, Alice, des témoignages de d'auditrices qui nous ont dit, je me suis sentie un peu forcée par mon mec parce qu'il était tout le temps en train de me tanner, hein, c'est ça. Oui, mais là, elle a l'air de quand même bien prendre son temps. Tu nous as dit truc qui est pour moi important, c'est genre, t'as dit, elle attend le déclic, elle attend le moment, le bon moment, le moment vraiment chaud, tu vois. Genre, parce qu'elle sera tellement excitée qu'elle aura vraiment envie de le faire avec toi. Et ça, c'est un super message, quoi. C'est genre, maintenant, c'est à toi de lui donner envie, d'avoir envie d'être encore plus proche de toi au point d'aller jusqu'à la pénétration. Vous êtes en plein dans les préliminaires. Moi, quand j'ai commencé à faire une fellation pour la première fois, il a pas tardé beaucoup de temps avant qu'il y ait pénétration, tu vois. Donc, essaye peut-être de t'occuper un peu plus d'elle encore au niveau préliminaire et de pas hésiter à lui dire, tu m'excites, j'ai envie d'être encore plus proche de toi, j'ai envie, tu vois, sans forcément lui forcer la main, mais juste lui dire des trucs qui, elle, vont l'exciter et vont faire qu'elle va avoir envie de faire l'amour avec toi, quoi. Puisque c'est juste ça qui lui manque. Elle est plus ou moins prête, mais elle veut le bon moment, tu vois, genre en mode, je crève d'envie de faire l'amour avec lui, donc je le fais. Donc à toi de l'exciter jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus, quoi, en fait. Ouais, limite de lui faire comprendre que là j'ai vraiment envie, quoi. Tu parlais de fellation, tu fais des cunis? Ouais, aussi, ouais. Et ben, tu vois, ce genre de choses, tu vois, tu la touches, tu l'embrasses en même temps, rien que le fait que tu puisses la toucher et l'embrasser en même temps, nous, ça nous excite vachement aussi, les filles, tu vois, le mélange des deux, elle aura peut-être envie d'encore plus. Pas jusqu'à l'orgasme, tu la laisses en chien avant. Oui, c'est ça, tu peux aussi. Très bien que c'est pas juste en la touchant ou en faisant des trucs comme ça que je vais commencer à l'exciter, c'est en faisant des combos, quoi, on va dire. Des combos, comme à Street Fighter. Exactement, ouais. Ah, tu joues un petit peu à Street? Non, je suis sur PC. Ouais. Avec tendresse, en tout cas, tu vois, rassure-la vraiment pour qu'elle se rende compte que finalement, t'es la bonne personne et que je pense qu'elle a pas envie d'avoir attendu 11 mois pour rien, tu vois. Surtout si toi, tu l'as déjà fait et tout, ça doit vraiment la stresser. Donc vraiment, rassure-la à fond et excite-la, quoi. Chauffe-la de ouf. Oui, tu peux la masturber, tu peux faire un cunnilingus jusqu'à ne pas arriver à l'orgasme. Ça va créer le manque et certainement l'envie d'aller plus loin. Ouais. On va accueillir Kevin qui veut réagir. Salut Kevin. Salut la famille, comment allez-vous? Ça va bien. Salut. Kevin, 26 ans de Tours. 32 ans. 32 ans de Tours. Ouais, c'est bon, on reste sur 32 ? Ouais, on reste sur 32. Alors, on est bon. Alors, est-ce que toi, tu t'es retrouvé un petit peu dans la même situation que Romain ? C'est-à-dire, tu étais avec quelqu'un et puis vous ne faisiez pas, enfin, vous n'aviez pas encore fait l'amour. Effectivement, c'est ça, ouais. En fait, ça m'est arrivé deux fois. Deux fois, la première fois, j'avais 19 ans, je crois, et je suis, ouais, c'est ça, 19 ans, et j'étais avec une fille de, ça faisait 8 mois qu'on était ensemble, et on avait toujours pas couché ensemble, en fait. Et, on avait fait quand même quelques préliminaires et tout ça, et en fait, bon, elle était pas prête, quoi, donc, j'ai pas insisté. Ouais. Ça, je voulais attendre qu'elle soit prête, il y avait pas le feu, hein, parce qu'on, après, on a toute la vie pour ça. Ouais. Mais, et du coup, ouais, j'ai attendu 8 mois. Et puis, de fil en aiguille, on s'est séparés au bout d'un an et demi, je crois. Et puis, après, je suis ressorti avec une fille, pareil, j'ai attendu encore 8 mois, donc je devais être abonné aux 8 mois. Ouais. Et, c'est ça. Et on a attendu 8 mois, mais elle, c'était parce qu'elle était vierge encore. D'accord, ok. Donc c'est pareil, on a fait des préliminaires et tout ça, mais sans rester là. Ça a été quoi le déclic ? Vas-y. Ça a été quoi le déclic à chaque fois Je sais pas, honnêtement, je sais pas, parce que moi personnellement, j'étais prêt, donc ça y est, pas de souci. Mais de son côté, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Pour la première, je sais pas. La deuxième, je le sais parce qu'elle attendait que ce soit vraiment la bonne personne. Et du coup, on s'est trouvé parce que maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble, on a 3 enfants et ah, super, tout va bien, quoi. Bon bah génial. Donc, voilà, mais surtout tu lui as pas mis la pression, t'étais pas tout le temps en train de lui dire j'ai envie de faire l'amour avec toi, j'ai envie de faire l'amour avec toi. Non, parce que je suis pas très démonstratif niveau sentiment. Du coup, j'ai pas cherché à lui dire ça à chaque fois. Non, c'était ça partait à base de bisous, de caresses. Naturellement, quoi. Tu l'as laissé venir. Puis exactement. C'est elle. De 8 mois. C'est elle qui est venue te chercher. C'est elle qui te l'a dit. Ou ça s'est fait comme ça tout seul. Ça s'est fait comme ça tout seul en fait. Ouais. Okay. On va aussi accueillir Adrien. Merci Kevin, tu restes avec nous. Adrien, t'es là ? Pas de soucis. Salut la famille, comment ça va ? Salut Adrien. Donc avec Romain. Hein. C'est la bienvenue dans la famille Adrien. Allô. Oui Adrien. C'est ta chanson, c'est la famille. Adrien. Adrien, tu nous entends ? Oui, ça y est, je vous entends. Putain. Ah, mec, vous entendez plus. Incroyable. D'accord. Non, je vous entendais plus. C'est pas vrai. Alors remets-le. C'est trop mignon. Merci la famille, Adrien. Alors raconte-nous, Adrien, ce qui s'est passé pour toi. C'est-à-dire, toi aussi, t'as attendu combien de temps t'as attendu toi avant de faire l'amour? Ah, j'ai quasiment pas attendu. En fait, je vais pas trop pouvoir aider nos amis qui galèrent un peu ce soir. D'accord. Parce qu'en règle générale, moi, j'attendais pas plus d'un soir. Et comment tu fais? Déjà, je suis gay, donc c'est pas le même monde quand même. Ah bon? C'est un petit peu plus facilitant, on va dire, je pense, en règle générale. D'accord. Plus associé à ça quelques petites techniques de communication. C'est-à-dire, c'est quoi tes techniques de communication pour dire j'ai envie de toi, on fait l'amour? Je le dis pas. En fait, le mec va me dire je couche pas le premier soir. Ouais. Moi, je vais jouer la carte du non, t'inquiète pas. Ou oui, on verra ce qui se passera. Et après un verre ou deux, et ben forcément les langues se délient et pas que sans se figurer. Oui, d'accord, ok. Donc tu fais boire la personne, ce qui n'est pas forcément une bonne technique. Pas forcément. Ça peut arriver, mais bon, un verre ou deux, t'es pas déchiré non plus. Tu sais ce que tu fais. Bien sûr, Adrien. Mais donc toi, tu pourrais pas attendre comme Romain et Kevin 8 mois pour faire l'amour. Au-delà du fait que je ne pourrais pas, je pense que ce serait même pas possible. Je convaincrais la personne. C'est obligé. Oui, mais si elle n'en a pas envie et si elle ne se sent pas prête, et que toi t'es très très amoureux d'elle. Et comme ça m'est jamais arrivé, j'avoue que je saurais pas trop comment. Par contre, j'ai eu une période où mon mec a été malade pendant 6 mois. Il a pas pu, on pouvait pas coucher parce qu'il avait une maladie au niveau de l'anus, Une maladie de l'anus, tout à fait. Une rectite, ça parlera au doc. Ah, c'est quoi, doc? C'est une inflammation du rectum. Ah, tout à fait. Oh, pendant 6 mois. Putain, il avait mal au cul, quoi. Donc, du coup, tu pouvais pas le pénétrer du tout, quoi. Donc ça se limitait à des prélits, mais bon, ça restait rare quand même, parce que même sa libido à lui, elle était beaucoup plus basse. Oui, ça donne pas envie, hein, ça, c'est sûr. Ah, c'est clair. Et alors, t'as attendu ou tu l'as trompé? au tout début, genre le premier mois, je l'ai trompé mille là-dessus. Enfin, on était assez libre à ce moment-là. Et après, j'ai complètement arrêté parce que ça me plaisait pas en fait. Je sais pas ce que j'avais envie. C'est-à-dire j'avais envie de lui. J'avais pas envie de baiser pour baiser. J'avais passé un petit peu ce stade-là. T'as attendu alors? Ouais, du coup j'ai attendu. Ouais. Après l'avoir trompé quand même. Oui. je l'ai pas trompé. Il était au courant. D'accord. Et t'es toujours avec lui là aujourd'hui? Oui, ça fait 2 ans et demi. Donc la rectite a été soignée. Ah oui, heureusement. Eh ben, super. Merci Adrien aussi pour ton témoignage. Bon, ben Romain. Avec plaisir. Ouais. Romain, t'as entendu un petit peu les témoignages de tout le monde, celui de Kevin aussi qui a attendu, tu vois. Et là, t'as eu ta dose de conseils. Donc continuez comme ça, les préliminaires. Et puis surtout, yes, faut que ça vienne d'elle et faut que ça se fasse naturellement. Voilà. Hein, c'est le mieux. La confiance, ouais. D'accord, et bravo Romain, parce que franchement, il y a plein de mecs qui mettent la pression aux filles et tout, et c'est le meilleur moyen de foirer le truc, quoi. Alors que là, c'est bien. Non, je lui mets pas la pression, j'essaie de la mettre plus vraiment en confiance, quoi, qu'elle se mette pas la pression, quoi, pour ça, quoi. Bien sûr, ouais, bien sûr. Tu lui dis que t'as envie aussi, hein, c'est bien aussi d'exprimer son désir, elle le sait, oui. Et puis voilà, t'attends, elle voit que t'attends, et ça, c'est bien aussi. Bon. Tu nous tiens au courant en tout cas Romain et j'espère que ça va le faire là bientôt. En tout cas quand elle sera prête, ça sera le mieux, d'accord? Ouais, ok. Salut Romain. Salut. J'ai fait une petite dédicace du coup à ma petite chérie. Elle écoute. Non attends, elle écoute? Non, elle écoute pas. Ah d'accord. Oui. Bon bah du coup elle n'entendra pas cette dédicace. À bientôt Romain. Salut Romain. Salut. Ciao à toi. Salut. Et dans un instant, on va accueillir Charlie, 23 ans de Caen. T'es là Charlie? Ouais, je suis là, ouais. Bonsoir Charlie. Léa, 20 ans de Saint-Brieuc. Bonsoir Léa. Salut tout le monde. Salut. Charlie face à Léa pour l'examen Love in Fun dans un instant avec un nouveau diplôme à gagner et surtout les montres Socharme. Ça, c'est vraiment un beau cadeau qu'on vous offre. Les montres Socharme certifiées Zaroski en participant à l'examen. C'est tous les soirs au 01 42 48 5000. D'ailleurs, allez follow Socharme Paris sur Instagram parce qu'on vous prépare des gros concours là avant les fêtes. On va vous régaler avec plein de cadeaux de ouf. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur l'Instagram Socharme Paris. Voici en attendant Jonas Blue sur Fun Radio. Tell you how it happened. I wasn't looking for someone that night. I was never a believer. But you could fall in love at the first sight. But You signed your name upon it. I put it in my wallet, hoping I see you. Jonas Blue, Liam Payne et Polaroid sur Fun Radio. Passe ton examen dans Lovin' Fun rire. Sur Fun Radio. Bah, j'arrive à faire rire Alice rien qu'en disant le titre de cette magnifique chanson. Ouais, Jonas Blue et Liam Payne avec Polaroid. Hein, bah, c'est vrai. C'est gênant. Mais comment, bah, pourquoi c'est gênant? Attends, ça va. J'ai pas un super accent anglais, mais quand même. Ah, il faudrait que je fasse genre comme Nikos. Polaroid. Hein? Non mais voilà, je suis désolé, je n'ai pas le talent de Nikos, donc moi je le dis à la française, Polaroid, sur Fun Radio. Voici l'examen. Ah oui, ah, oui. Ah, l'examen, les montres sous charme. Aïe, aïe, aïe, aïe. Alors, attends, je regarde le poignet d'Alice. Oui. Qui porte une montre sous charme. Elle est magnifique. Oui, et pas que, hein, parce que moi j'ai la montre, j'ai la bague, j'ai les bracelets, j'ai les boucles d'oreilles, et vous pouvez les retrouver sur le site, parce qu'en plus on vous a négocié moins 50% avec le code Love in Fun, donc faites-vous plaisir avant Noël. Socharme.fr sont des montres certifiées Swarovski, et d'ailleurs on vous l'a dit, si vous voulez bénéficier des 50% de réduction, le code c'est Love in Fun. On va accueillir ce soir Charlie, 23 ans de Caen. Bonsoir Charlie. Salut. Bonsoir. Salut, salut Charlie. Salut. Bonsoir. Tu vas l'offrir ta montre, Charlie, j'imagine. Ah oui, à ma copine. À ta copine, ah ça, oui. Ça fait un beau cadeau de Noël gratuit, le cadeau. Et Léa, 20 ans de Saint-Brieuc. Bonsoir Léa. Oui, vous allez bien? Ça va bien. Alors Léa, tu captes pas bien, ma chérie. J'ai capté la dent. Ah non, bon. Ouais. Retourne-toi, fais un pas. Bah, c'est bon, ce que je fais, on m'entend? Oui, on t'entend. Ce sera pour qui la montre? Pour moi. Quel égoïste. T'as quel bien raison. Égoïste. Faut se faire plaisir. Mais bien écoute, sûr. Écoute, à Noël, on pense à tout le monde sauf à toi, je sais. Donc, des fois, voilà. Ah bah, tu sais quoi, moi je ne pense qu'à moi à Noël. Je me fais toujours mon petit cadeau. Alors, Léa face à Charlie ce soir, vous connaissez le principe de l'examen. Il y a des questions et vous avez un petit buzzer. Alors, quel sera ton buzzer, Charlie, pour donner ta réponse? Les 4 fantastiques. D'accord, ok. Et Léa, ce sera quoi, toi? Vive la Bretagne, pareil, quand même. Ah, magnifique. Alors, on va encore me dire que je fais du favoritisme. Un peu. Hein, mais c'est vrai que Léa, c'est ma petite sœur. Voilà. Alors, première question. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les femmes gardent un souvenir de pénis plus grand que la réalité. Les 4 fantastiques. Oui, Charlie. Vrai. Oui, c'est une bonne réponse. J'ai adoré son buzzer. Les 4 fantastiques. C'est tellement long comme buzzer. Ouais, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles recouchent parfois avec leurs ex pour vérifier que c'était bien aussi gros que la dernière fois. Non, ça c'est faux. Je vous le dis tout de suite, ça n'existe pas. Qu'est-ce que l'anati... Ah putain, c'est chaud. Alors... Anatidaéphobie. Madame parfaite. Les 4 fantastiques. Oui, attends, j'ai même pas donné les. Attends, et Charlie, vas-y, tu sais ce que c'est? Vas-y. La peur des culs, des anus. Non. Alors, il y a 3 propositions. Et vous pouvez encore jouer tous les deux. Alors, l'anatidaéphobie, c'est la peur des croûtes, la peur d'être observé par un canard ou la peur de perdre quelque chose dans son anus. Les 4 fantastiques. Oui, Charlie. Charlie. La peur de perdre quelque chose dans son anus. Non, c'est pas ça. Léa. Moi, j'aurais dit la deuxième réponse. Donc, la peur d'être observé par un canard? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une bonne réponse. Bravo, ah, Léa. Bravo. Par déduction, hein, tu n'en savais rien du tout. Celle-là, je la trouvais un peu folle. Tu vois, donc j'ai quitté. La troisième question. Écoutez bien, on va apprendre des choses. Vous aussi, jouez à la maison. Hein. N'hésitez pas à l'application Love in Fun, funradio.fr. Selon vous, quelles femmes font le plus souvent l'amour? Les 4 fantastiques. Laisse-moi faire les propositions, vas-y, Charlie. Vas-y, propose. Alors, Charlie, tu fais le malin. Eh ben, vas-y. Vas-y. Les cancers. Allez, ah, signe astrologique. Ah, d'accord, non, rien à voir. Alors, du coup, Charlie, t'as donné ta réponse. Là, maintenant, ça va être Léa qui va être seule à donner sa réponse. Alors, écoute-moi bien, Léa. Selon toi, quelles femmes font le plus souvent l'amour? Celles qui ont de l'acné, celles qui ne sont pas jalouses ou celles qui ont les tétons roses poudrés? Les tétons poudrés. Alors, on ne t'entend pas bien, mais c'est pas grave. On a compris que c'était une très mauvaise réponse. Les tétons, d'accord. C'est pas ça. C'est 86% des femmes qui font beaucoup l'amour ne sont pas du tout jalouses. Hein? Mm-hmm. Ça, c'est bon à savoir, ça. Ça fait réfléchir, hein, toutes les jalouses. Complètement. Hein? Quatrième question. Combien font, question, division, addition, combien font 42 divisé par 2 plus 3? Les 4 fantastiques. Ouais, Charlie? Alors 42 divisé par 2, ça fait 11,5, plus 3, ça fait 14,5. Ah, ça marche pas, ça, c'est de la... 24,5. Ah, c'est quoi, Charlie, j'ai envie de t'insulter tellement t'es nul. Alors, c'est pas grave, je t'aime quand même. Léa, combien font 42 divisé par 2 plus 3? 24. Bravo Léa. Bravo. Ça fait combien en femme? La calculette. Bon alors Charlie, c'est un point en moins si tu continues, attention. Et tu n'en as qu'un alors que Léa on a deux. Voilà, c'est 2-1. Il reste encore une place pour Charlie. Oui. Attention, quel est le prénom du meilleur coup de toute votre vie? Léa Bretagne. Ouais Léa. Khaled. C'est qui ce Khaled? C'est qui ce petit Khaled? Ah bah vous l'avez déjà vu une fois en plus. C'est pas vrai. Quand on avait fait l'émission à Saint-Brieuc, t'étais venu avec lui? Non, que j'étais venu dans les studios une fois. Ah entre temps. Hein. Dis donc, t'es toujours avec lui là? Non. Ah merde, mais c'est quand même lui le meilleur. J'espère que t'as pas un nouveau mec depuis. Si, mais il écoute pas. Mais non. Putain, l'angoisse. Elle donne le nom de son ex. C'était lui mon meilleur coup. Léa, c'est interdit ce que tu viens de faire. Je suis honnête, je suis franche, écoute. Ok, bon, vrai ou faux, et ce sera la dernière question. Un poulet a survécu 18 mois sans tête. C'est 4 ans de sucre. C'est vrai, Charlie. C'est faux. Léa. Vrai. Absolument, c'est vrai. Il s'appelait Mike. Mike le poulet. Mike le poulet sans tête, surnommé ainsi Miracle Mike, né le 20 avril 1915, il est mort 18 mois après s'être fait couper la tête. Il était de toutes les foires aux États-Unis et il était assuré à hauteur de 10 000 euros et il fallait payer pour voir ce poulet qu'on nourrissait voilà, avec une petite pipette, une petite paille. Quelle horreur. Et il y a des photos de lui sur Google de Mike le poulet sans tête. Qu'on ne publiera pas parce que c'est assez choquant. C'est dégueulasse. Il y a la tête à côté de Mike. Alors c'était pas sa vraie tête, hein, c'était la tête d'un autre poulet. Ouais, c'était quand ouais. Ou quoi? C'était le bourreau de Mike? Mais pas du tout, mais cette histoire m'a passionné. Et j'ai dû passer un bon petit quart d'heure à regarder la vie de Mike. Voilà. Et en attendant, on peut dire que c'est une victoire ce soir de Léa. Bravo Léa. Merci. Vous êtes géniaux. Géniaux, Léa. Géniaux. Il n'y a pas de problème. Charlie. Oui, bravo, Laura. Bravo, Charlie. Elle s'appelle Léa, par contre. Hey, Charlie, il a tout faux à toutes les questions, tu sais. Même au prénom de Laura, ce sera Léa. Voilà. Et Charlie, tu reviens quand tu veux. En attendant, tu redoubles. Je suis désolé pour toi, mon poteau. J'ai l'habitude. Pour Léa, c'est un magnifique diplôme. T'avais déjà redoublé, Charlie? Ah oui. C'est pas vrai, putain. Et fois ça, oui. Faut me le dire, les amis, quand on a des redoublants. Et tu retriples, Charlie. C'est pas grave. Je le prends avec beaucoup de joie. Salut, Charlie. Salut, Léa. Et Léa, ma chérie. Oui. Tu sais ce qu'on va t'offrir? Oui. Ah bon, c'est quoi? La montre Socharme. La montre Socharme qu'on va t'envoyer certifiée Zarowski. Bravo et profite bien de ton cadeau parce que c'est vraiment des super belles montres. Ah oui. On te fait des gros bisous, Léa. Elles sont magnifiques. Merci beaucoup en tout cas à toute l'équipe. Bonne nuit à tous. Gros bisous Léa et voyez hein, ici on est quand même la seule radio, la seule émission de Libre Antenne à vous passer même si on ne vous entend pas parce que vous ne captez pas. Ouais, hein, c'est vrai. Et on vous récompense même avec une montre tellement des cons, tu sais. Absolument. Et on espère que vous êtes toujours là. Voici la question à la con. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Avant de retrouver Adrien Thomas pour Party Fun, voici une nouvelle question à la con. Vous savez qu'ici, toutes les questions sont les bienvenues. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Karel, bonsoir Alice et bonsoir Doc. Salut. Salut. Bonsoir Jérémy, tu as 23 ans et tu nous appelles de Clermont-Ferrand. C'est ça, exactement. Tu as l'air très studieux. Ah non, moi je suis vraiment déconneur à fond. D'accord, mais... C'est pour ça que j'ai une question drôlement con ce soir. Nous t'écoutons Jérémy. Eh ben, quelle couleur de cheveux inscrit-on sur le passeport des chauves? Ah, voilà, c'est con. C'est vrai que ça peut paraître con, mais bon. Jérémy, on a envie de te laisser avec ce petit moment de solitude qui t'appartient, qui n'est rien qu'à toi. Mais on met quoi, vraiment? Bah, franchement. La couleur initiale avant que quand il avait des cheveux. Sans ça, tu me regardes, je suis pas chauve. Sans cheveux. Hein, mais je sais pas. Sans déconner, qui est chauve, qui est chauve. Ah, on appelle Fred. On appelle Fred. Quel numéro de Fred? Il a la grippe. Quel numéro tu de mets Fred? N-A. Oui. Non applicable. Ouais, ça peut marcher. Ça peut marcher. Non, mais on va appeler Fred. Il a la grippe en plus. J'espère qu'on va le réveiller. Il va adorer. Non, tu penses qu'il va pas kiffer? Je pense qu'il va mettre. Je suis pas sûr là. Je pense qu'il met cheveux bruns quand même, non? Enfin, je sais pas. Nous appelons Fred, l'animateur de Fun Radio. Et il est revenu ou pas, Fred? Parce qu'il est malade. Ah, d'accord. Demain. Il revient demain? Comment tu sais? Je l'ai eu au téléphone. Ah ouais, ils font des petits trucs comme ça. Ah ouais. Fred, c'est Fun Radio qui t'appelle pour te poser une question qui va te saouler en plus. C'est sûr, ça va le saouler. Bonjour, je suis les gens. Ah ok, bon, bah c'est pas grave, on aura essayé d'avoir Fred. Non. On me propose d'appeler le directeur des programmes. Ah oui, on va pas. Chauve. Et encore plus que Fred même. Non ah, et ben on va pas l'embêter avec ça. Parce qu'on aimerait bien être là la saison prochaine. Alors, Jérémy, merci d'avoir foutu la merde. Et alors si vous avez la réponse à cette question, ami chauve, c'est le moment de nous appeler. 01 42 48 5000. Venez ici sur Fun Radio, on vous attend nombreuses. Jérémy, en attendant, on te souhaite une belle soirée. Merci d'avoir posé cette question à la con. Eh ben merci à vous en tout cas. Et puis Karel, te moque pas trop des choses parce que la cavicie n'est pas très loin. Pourquoi cette gratuité? Vous êtes vraiment dur avec lui. Et je vais vous répondre ce qu'il répond tout le temps. Ce n'est pas la calvitie, c'est son implantation, d'accord? Et on a vu des photos de lui, bébé, il était déjà comme ça, le pauvre. Donc il faut pas remuer le couteau dans la plaie. Absolument, et puis j'ai les cheveux fins, donc forcément. J'ai les cheveux fins. Hey, c'est quoi? Hey, ça va. Jérémy, vu ta gueule, je la fermerai bien, justement, Jérémy. Non, parce qu'on te connaît, on t'a déjà vu à Clermont-Ferrand. Hein? Ah oui, bah oui, tout le monde me connaît, oui. Allez, à bientôt, Jérémy. Allez, à plus, salut. Salut mon poteau, c'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Ça a été chaud ce soir avec le sexy chocolat. On a parlé des plans A3, à revivre en Facebook Live aussi sur le Facebook de Fun Radio. Et le sexy chocolat, on voudra des nouvelles, hein, bien sûr, de Malik et de sa copine. Enfin, plus sa copine maintenant. Hein. Restez bien avec nous puisque oui, il est là, il débarque tous les soirs après Love in Fun. C'est Adrien Thomas. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Salut. Comment ça va? Oh, fraîchement. Hein. Alors, hier. On n'en parle pas, mais à métaux en ce moment. Alors, hier soir, Kassim a eu le droit de choisir le premier disque. Ouais. Est-ce que ce soir... J'ai choisi Loud. Ouais. Ah, t'as choisi Loud ce soir? Non, hier soir. Hier soir. Ils ont choisi un titre. Non, mais ça va, toute l'année. Attends, c'était déjà tellement compliqué une fois, franchement. LMFAO, c'est bien sinon. Non, mais en plus, les titres que vous demandez, je les ai jamais. Vous demandez des titres d'il y a 10 ans. Attends, excuse-nous, c'est l'autre là-bas là, qui a demandé n'importe quoi hier. T'as demandé quoi? De quoi? DJ Antoine. DJ Antoine, welcome to Saint-Tropez. Ok, et alors tu l'as ce soir ou pas? Non. Toujours pas. C'est là que t'aurais assuré, putain, tu nous le sortais là. Non, je l'ai pas trouvé. Bon, il y aura quoi ce soir alors dans l'émission? Ce soir, je démarre avec un remix de Prince Karma de Benny Benassi, qui a fait un remix de Later Beaches. Trop fort. Ah ouais, très très très fort. Et puis, si je vous dis, le morceau le plus joué à Tomorrowland cette année. Si, c'est Armin Van Buren. Non. Genre vraiment que le morceau le plus joué à Tomorrowland, il était joué plus de 100 fois, je crois. Calvin Harris? Pas du tout. Alors c'est pas évident, mais. Alors dis-nous! Ah ouais? Eh ben non, faut écouter l'émission. Quel enfoiré! Oh putain! Eh ben, écoutez l'émission. Est-ce que Adrien, ça, c'est dira... pas du teasing? Vas-y. On reste. Parti fun jusqu'à 1h du mat avec Adrien Thomas au platine. Bonne émission, Adrien. Merci. Et nous, on se retrouve dès demain sur Fun Radio, 22h. Ciao tout le monde! Open your eyes for a new reality. Feel the beat. You're gonna live a magical night. Discover a new sensation. Party